Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Prosternons devant toi, Père. Nous venons devant toi nous incliner devant la parole, afin que toi, Seigneur, nous conduises maintenant. Que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, ne demeure pas seulement dans nos oreilles, mais que ça pénètre au-dedans de nous et fasse en nous, Seigneur, c'est pourquoi tu as destiné pour aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants du fait que tu nous as invités autour de ta parole pour la partager aujourd'hui. Quelle grâce, Seigneur, de partager de ta parole. Qui sommes-nous pour venir au-devant de toi et qui sommes-nous afin que tu viennes assembler au milieu de nous? Merci pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous pour nous conduire chaque jour de notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous nous soumettons entre tes mains, Père, encore ce soir. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut parler de bénir? Il n'y a pas de prédicatrice dans la Bible, donc tu ne peux pas prêcher. D'accord. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je veux parler d'un sujet. Je veux parler de la direction de Dieu dans nos vies. Ou encore, la manière de Dieu de diriger. La direction de Dieu dans nos vies. Ou encore, la manière de Dieu de diriger. C'est de ça que je vais parler maintenant. J'ai dit, je vais parler de la direction de Dieu dans nos vies, ou bien la manière de Dieu de diriger. Nous allons voir ce thème-là maintenant et voir pourquoi il est important de voir. Très souvent, des événements nous arrivent. Le fait qu'on soit humain, qu'on soit limité, le fait qu'on soit limité, ça fait de l'enseigne que des choses arrivent dans nos vies. Très souvent, on ne maîtrise pas comment gérer la situation. Des successions de malheurs nous arrivent de part et d'autre, comme dans la Bible de Job, où une nouvelle arrive avant que la nouvelle ne s'arrête, une autre nouvelle, mauvaise nouvelle est arrivée, et il a comme impression que tout lui tombe par-dessus la tête. Alors, ces événements arrivent très souvent, puisqu'on est humain, puisqu'on est limité, puisqu'on n'est pas prêt, et qu'on ne sait même pas le bout du tunnel. La principale chose, c'est les murmures. Voici le pourquoi. Je vais donner ce message, c'est afin que nous ne murmurions plus. La condition pour qu'on ne murmurions plus, c'est que nous assimilions cela. Donc, je vais parler de la direction de Dieu dans nos vies, ou bien la manière de Dieu de diriger. D'accord? Lorsque nous allons voir cela, ça sera maintenant entre vous et la parole maintenant. Le but pour lequel nous voyons ceci, c'est pour connaître encore davantage Dieu. Souvenez-vous, une fois ici, je vous ai dit, connaître Dieu, c'est étudier la Bible et connaître ses principes, les façons d'agir. Quand vous connaissez comment Dieu agit, vous les appliquez dans vos vies et là, dans ce cas, les murmures ne sont plus là. Est-ce que c'est ici? Donc, nous allons étudier la Bible. Le but, c'est d'étudier la Bible et voir comment ça ressort dans les passages de l'Écriture, la manière de Dieu d'agir. Et au sorti de cette Écriture, si nous allons voir, merci Père, merci Père, merci Père. Nous allons voir que dans tous les domaines de notre vie, que vous l'admettez ou non, Dieu est au contrôle. Dieu a prévu en effet toutes choses, soit en bien, soit en mal, à ce qui arrive à tout le monde, sans exception. Et pour ses enfants, les choses de bien, c'est pour les glorifier. Les choses de mal, c'est pour les former et pour les ramener à l'ordre, selon les cas. C'est pour ses frères. C'est ce qu'on va voir au travers des Écritures maintenant. Donc, on va prendre peut-être 20 ou 25 versets pour les lire maintenant. Commençons quelque part maintenant. On peut commencer, bien aimé. On peut commencer. Donc, regarde encore quelqu'un, dit la manière de Dieu de diriger. Ou bien la direction de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire la façon dont tu t'es assis, c'était prévu. Là où tu es assis exactement. Le choix de l'habit que tu avais fait à la maison, tu as cru que c'est toi qui as choisi. C'était prévu. Comme le commandant de la Brigade internationale du réveil est en train de faire comme ça. Regarde comment il va faire. Vous voyez, c'était prévu. Amen. Donc nous allons voir la direction de Dieu dans nos vies. Je suis en train de parler comme ça. Il attend seulement que le début vienne. Si le début vient, on va avancer. Il attend qu'un passage puisse venir pour que ça puisse couler. D'accord, frère? Le début. Frère Atangana, nous voulons voir la direction de Dieu dans nos vies, comment Dieu dirige les choses, comment il comprend. Lorsqu'on comprend cela, on commence à voir que si une chose arrive, Dieu est là. Et alors là, il faut qu'à l'issue de ça, si Dieu permet qu'on fasse ça aujourd'hui, il faut qu'on voit un deuxième volet de ce même enseignement-ci. Lorsqu'on constate ça, la prière change. La manière de prier change. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît comment Dieu dirige nos vies, et qu'on connaît que c'est un principe établi dans la Bible et dans nos vies, la manière de prier vis-à-vis de ce Dieu-là change, parce qu'on le connaît davantage. Souvenez-vous de ce qu'on a dit la dernière fois. Lorsque vous allez chez le président, vous vous mettez en conséquence, parce que vous connaissez les principes là-bas, vous connaissez les règles, les protocoles, comment l'approcher, n'est-ce pas? Donc le but, c'est de connaître davantage le Seigneur pour savoir comment l'approcher. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Bonne arrivée. Donc nous voulons voir la direction de Dieu dans nos vies. La direction de Dieu. Comment Dieu dirige dans nos vies. Commençons donc maintenant, frère. On peut y aller. Commençons dans 1 Samuel. 1 Samuel. Le livre de 1 Samuel. C'est merveilleux. Donc préparez le stylo parce qu'il va vous donner beaucoup de passages. C'est terrible. 1 Samuel. Oh, c'est merveilleux. On y va. Le chapitre 9 de 1 Samuel. Le fait qu'on ne connaît pas ces principes de Dieu a amené beaucoup de pression. Quand vous voyez un chrétien quitter d'un pasteur à un autre, un pasteur à un autre, un pasteur à un autre, un prophète à un autre, un prophète à un autre, un prophète à un autre, c'est ces principes qui manquent. Parce qu'en réalité, il y a une chose qui sont en train de chercher, c'est Dieu qui est en train de chercher sans s'en rendre compte. Mais il a confondu Dieu aux êtres humains. Il croit que c'est en allant de tel être humain ou tel être humain que ça va se, le problème va se résoudre. C'est dans la direction de Dieu dans nos vies. Nous allons lire vraiment beaucoup de passages. Beaucoup de passages. Donc, lorsqu'on ouvre la Bible, si vous ouvrez la Bible avec quelqu'un à côté de vous pour qu'on aille vite. 1 Samuel chapitre 9, dont nous voulons voir ce soir la direction de Dieu dans nos vies, comment Dieu dirige, comment Dieu s'implique dans nos vies, comment Dieu conduit nos vies. Souvenez-vous, quand il parle de conduire nos vies, c'est dans les moindres détails. C'est-à-dire les personnes que vous rencontrez, le véhicule que vous prenez, les choses qui vous arrivent à moins un, ce qui vous arrive effectivement, c'est prévu et ça a des sens et un but. D'accord? Avançons maintenant. 1 Samuel chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Écoutez très bien. Les années de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Je veux que vous souligniez ça. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 9. Nous sommes déjà au verset 3. Vous y êtes. On a dit quoi? La Bible nous donne quel renseignement? Frère, parlez à haute voix. Ouais, vous êtes vraiment en rang dispersé, mais il y a quand même quelque chose. On dit les années de Kis, père de Saul. Donc le père de Saul, le premier roi d'Israël, ça s'appelle Kis. C'est lui dont on parle. On dit ces années, ce sont égarés. Je veux que vous souligniez cela parce que ça a un sens là maintenant, parce qu'on va entrer là-dedans. On dit ces années s'égarer, n'est-ce pas? Et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. Vous avez vu? Souligne encore cela, lève-toi, va et cherche les années. Ici, nous commençons, frère, ici, écoutez très bien. Il y a, vous ne verrez jamais dans la Bible que pour te marier, voici comment il faut faire. C'est en étudiant les choses que Dieu a mis qu'on commence à comprendre ses volontés derrière. C'est de cette façon que Dieu les a cachées. Dieu a caché ces choses dans les principes. Dieu a caché ses façons d'agir dans les principes bibliques qu'il a établis. C'est n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a mis différentes choses dans la Bible pour qu'en les mettant ensemble, vous voyez le tableau au complet. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, vous avez vu que on a dit les années des sols, des kispères, des sols cigarés. Il a. Non, pas ça. Arrêtez les téléphones. Débranchez pour qu'on travaille véritablement. Parce que c'est long, là. Vérifiez que les téléphones sont éteints pour qu'on n'ait pas ces désagréments. Donc, on dit les années de Kis, père de Saul, s'égarait. N'est-ce pas, frère? Donc, j'ai demandé que vous souligniez. Et si on dit qu'il a fait appeler, c'est Kis, là, le père de Saul, a appelé Kis, que va chercher les années. Alors, nous voyons un homme ici appelé Kis, donc le père de Saul. Saul, Saül, de toute façon. Saul, de toute façon, ne me dérangez pas. Donc, ici, nous voyons Saul, nous voyons son père de ce côté-ci. Et nous voyons une troisième situation, les années qui se sont égarées. Je veux que vous gardiez ça à l'esprit parce que ça a une conséquence tout à l'heure, ce qu'on nous a rencontré un verset en bas. D'accord? Vous avez le scénario dans votre esprit maintenant? Je peux avancer? Ok. Souvenez-vous, nous voyons la direction de Dieu dans nos vies. Verset 5. Ils étaient arrivés. J'espère que j'ai sauté. Non, verset 4 là maintenant. Souvenez-vous, le dernier volet du verset 3, il a dit que va et cherche les ânes. C'est l'ordre que son père a donné. Verset 4. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Chaleshka sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin, il ne le trouvait pas. Tout un des pays pour trouver les ânes. Vous pensez que qu'est-ce qu'il en a de chercher? Il en a de chercher sa destinée. Il cherche sa destinée. Il cherche, écoutez-vous bien. Il cherche sa destinée. Vous entendez quelqu'un dire que j'étais en full gospel. Après, il était allé chez Eric, ça n'a pas marché. Il a quitté le pays de Chaleste. Il a déchiré sa brebis, il a égaré. Il ne dit pas parler. Après, il part à Bethel. J'étais à Bethel, on a dansé, c'était pas bon. J'étais catholique, ça n'a pas donné. Il cherche sa destinée. Jusqu'à ce que son âme soit ancrée exactement à la vérité qui a franchi. Jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. On avait, vous êtes devant moi. Donc, maintenant regardez. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf. Lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. C'est-à-dire que comme ils ont déjà tellement duré dehors dans la recherche de ces ânes, il dit que notre père peut encore s'inquiéter maintenant que j'égare les ânes, j'égare aussi mon fils. Il dit que retournons à la case départ. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à vendre les beignets, ça ne donne pas. Il vend le ciment, ça ne donne pas. Il vend l'eau glacée, ça ne donne pas. Et ça ne va pas. Il vend les nourritures, ça ne vend pas. Il dit que il veut maintenant vendre les chingons. Quand ça ne donne pas, on dit que les collecteurs d'impôts sont trop nombreux. Il dit qu'il va voir maintenant les bénéfices. À ce moment-là, quelqu'un va s'approcher. Quelqu'un dit Dieu conduisant toutes choses. Souvenez-vous, Saül est sorti avec un des serviteurs de son père. Maintenant, observez maintenant. Est-ce que jusqu'ici, quelqu'un voit la main de Dieu quelque part? Il n'y a rien qui est écrit là-bas que Dieu est à l'œuvre. C'est ça ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Et c'est en étudiant ces choses qu'il faut que nous, les chrétiens, nous fassions attention dans la manière que Dieu nous dirige. D'accord? Jusqu'ici, il n'y a nulle part la main de Dieu. Pas vrai? Mais avançons, regardez. On dit, il a dit, retenons, de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Frère, vous parlez de révélation. Ce garçon qui est avec lui, ils ont parcouru les pays depuis pour chercher ses ânes. C'est le moment où c'est difficile qu'ils veulent rentrer, qu'ils sortent. La révélation sort de sa bouche, car en fait, dans cette ville-ci, il y a un homme de Dieu qui dit n'importe quoi qu'il y a. Pourquoi dans ces cas, quand ils sont sortis de la maison, ils ont parcouru un pays, ils n'ont pas vu, ils ont dit allons dans telle ville, que tel homme de Dieu va nous dire exactement où ça se trouve. Est-ce que vous êtes ici? Alors, qui est en train de parler au travers de ses serviteurs? Pourquoi un serviteur va donner le conseil au maître? Parce que Saul est son maître. C'est ça? Saul lui dit que rentrons. Pour que le père ne dise pas qu'on a aussi garé, il dit que non, il y a dans cette vie-ci un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc allons le consulter. Un serviteur, on lui dit, qui est derrière? Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous regardiez cette douceur, la façon de Dieu d'agir dans nos vies. Et nous allons voir tant d'exemples dans la Bible. C'est plein dans la Bible. C'est vraiment plein dans la Bible. La direction de Dieu dans nos vies. Le pourquoi on doit voir ça, c'est que si on voit ça de la bonne manière et qu'on comprend, on assimile, les murmures cessent. Souvenez-vous par exemple, voici par exemple l'un des exemples des murmures. Quand tu restes dans la manière, tu dis que qu'est-ce que je vais manger demain? Dieu dit que tu as murmuré. Donc les murmures ne veulent pas dire ah, c'est pas ça. Les murmures, quand tu poses la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Et Dieu dit que tu as, c'est lui qui donne la définition. Donc pourquoi on ne fasse pas comme ça là? Il faut qu'on voit comment il aime le faire. C'est ici, n'est-ce pas? Non, avançons ici, regardons. Et on va voir dans le livre d'Esaïe, parce que voici un livre. Regardez ici, Esaïe. On va rentrer dans Esaïe, là, lorsqu'il parle de ces oiseaux-là. Regardez, on continue. Le serviteur lui dit, verset 6, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer au fur et à mesure? Si quelqu'un tâtonne, la solution, c'est vers Dieu. La solution, c'est vers les serviteurs authentiques du Seigneur. Parce qu'on a défini comme étant un homme authentique du Seigneur. Si quelqu'un tâtonne dans sa marche, la solution, Dieu peut la lui donner au travers des serviteurs authentiques. À ce niveau-ci. Vous savez, c'est ça? Ok, maintenant, regardez. Saul dit à ton serviteur. Regardez comment on a mis là. Saul dit à son serviteur. Qui est son serviteur pour lui conseiller? Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? C'est ici alors que les gens de Doctrine et Prospérité aiment les pasteurs qui aiment qu'on leur donne les choses. Ils aiment ça. Regardez, écoutez bien. Regardez. Verset suivant. Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Je glisse une parenthèse là-dedans pour vous voir. Vous remarquez très bien que l'homme de Dieu n'a jamais rien exigé ici. Les gens sont venus le voir, ils sont préparés eux-mêmes. De façon libérale, ils ont décidé ce qu'ils vont donner. Pas que vous venez chez l'homme de Dieu, vous donne l'enveloppe, allez mettre 300 000 chacun ici. Pour qu'on prie pour vous. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, verset 5, 9. Autrefois, c'est ça, n'est-ce pas? Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saul dit à son serviteur, tu as raison. Quelqu'un dit Dieu dirigeant toutes choses. Donc ici, Dieu contrôle les facultés du serviteur, les pensées de Saul, les circonstances et bien plus l'homme appelé homme de Dieu. Nous allons voir que tout le tableau, le film, c'est le scénariste, c'est Dieu. Dieu a décidé son film. Le film qui se tourne ici, on pourrait introduire ça au cinéma Le Vouri, à la recherche des années perdues. Ou mieux, comment entrer dans sa destinée. Vous avez vu ce film-là? Donc l'acteur principal, c'est qui? C'est Saül. Donc, regardez. Mais Dieu, on ne le voit pas derrière. Le scénario, les scénaristes, on ne le voit pas derrière. On voit seulement les scènes du film en train d'être joué. C'est au fur et à mesure qu'on voit le film, qu'on va comprendre là où le scénariste est en train de nous amener. C'est qu'il a décidé. C'est ça qui est difficile de comprendre. Nous sommes arrivés à un siècle où le développement technologique, l'extrême intelligence diabolique humaine, les découvertes faites et les choses qu'on fait au fur et à mesure qu'on découvre, on a comme impression que l'intelligence humaine a amené les gens au niveau de la divinité. Ce qui fait que l'humanité semble ne plus avoir besoin de Dieu. Quand quelque chose arrive, soit on parle des concours, des circonstances, d'une coïncidence ou bien des choses normales qui devaient arriver. Donc on ne voit pas Dieu derrière. Et Dieu dit que c'est la folie qui a les entraîner comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce développement de l'intelligence humaine, de l'intellect humain, fait de telle enseigne qu'on ignore Dieu dans nos façons de faire. Alors on croit que quand quelque chose arrive, c'est normal que ça arrive. On ne sait pas que c'est Dieu qui est à l'œuvre pour attirer notre attention. Est-ce que vous comprenez? Alors on a divinisé dans l'humanité. On a divinisé, la science est arrivée au niveau où elle est devenue Dieu, la science. Il dit bien la science. Avançons. Verset 10 là maintenant. C'est ça? Écoutez très bien. Saul dit à son serviteur, tu as raison. Viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Écoutez très bien maintenant. C'est là où ça devient intéressant. Verset 11. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il lui dit, le voyant est-il ici? Vous avez vu ça? Donc il pose la question. Donc il dit bien tous les éléments des gens qui vont rencontrer en route, c'est prévu par Dieu. Toutes les circonstances sont prévues par Dieu. Maintenant, ça, c'est un scénario qui est écrit dans la Bible pour que vous et moi, nous entrons en contact. Le premier, c'est ton Seigneur est à toi, le livre dans lequel c'est écrit, tu n'as pas accès. Voilà le vrai problème. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si Saul allait au ciel, il prenait son livre, il l'ouvrait comme ça, il va voir que c'était prévu que tu rencontres ton serviteur, ces gars, tu rencontres ces jeunes filles. Donc, ces jeunes filles vont dans leur livre. Elles écrivent dans leur livre, elles disent que c'était prévu que tu me donnais un renseignement à Saul. C'est terrible, frère. Il dit bien, le plus grave, c'est que toi et moi, nous n'avons pas accès à nos livres. Et quand on n'a pas accès à nos livres, pourquoi ne pas consulter celui qui a écrit le livre? Mais pourquoi ne pas laisser le scénario jouer son film? C'est comme si l'acteur peut écrire, le scénariste peut écrire son film, à notre chasseur et dit à l'intérieur que non, je ne dis pas tes cheveux, je veux telle chose, autre chose. Ça ne donnerait pas parce que c'est une suite de cohésion. Il y a un message qu'il veut faire transmettre au travers de son film. Est-ce que tu comprends? Dis à ton voisin, nous sommes les acteurs. Nous sommes les acteurs. Dans le film. Dans le film. Dont Dieu est réalisateur. Producteur, sénateur, c'est, il joue même à l'intérieur, souvent comme bandit, souvent comme acteur, souvent comme chef bandit. Lui là, on va voir les films de Dieu ici dans le temps. Avançons seulement, regardez. Ils ont rencontré les jeunes filles, n'est-ce pas? Verset 11. Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Regardez ce que les filles disent. Il dit quand vous allez entrer, il n'a pas dit que courez vite Sinon, vous allez le rater. Elle dit, quand vous serez en Dieu, vous allez le trouver. Vous allez le trouver avant qu'il ne mort. Et elle ne demande pas. J'espère que vous comprenez. Vous venez demander renseignement à quelqu'un que si vous voulez le directeur là, oui, je l'ai vu tout à l'heure là. Courez pas comme ça, sinon vous allez le rater. Et, non, il dit, va là-bas, tu vas le trouver au coin là-bas avant qu'il ne parte. Les filles sont de les prophétiser. Quelqu'un dit, Dieu dirigeant toutes choses. Dirigeant. Souvenez-vous, je vous ai demandé au verset 3 et 2 là de souligner les ânesses qui sont égarées. Va chercher les ânesses, d'accord? Maintenant, regardons. Verset 13 encore. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Vous entendez ça, frère? Ils insistent même sur leurs prophéties. Elles vont même au-delà, comme les femmes bavardes, comme quoi elles ne veulent pas le laisser tranquille. Regardez, on continue. Verset 15. On va lire le verset 15 et on va revenir encore au verset 1, 2 et 3. D'accord, frère? Il dit, je vais lire le verset 15 et puis revenir au verset 1. Or, un jour avant, vous y êtes avec moi, un jour avant, nous sommes quoi? Or, okay, verset 14, j'ai sauté. Ok, lisons d'abord le 14. Et ils montaient à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Vous avez vu exactement ce que les filles ont dit, non? Verset 15. Donc, je lis le verset 15, puis je rentre les premiers versets. Or, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel a averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Souligné, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Souligné. Ah frère, quel Dieu nous avons à servir. J'ai dit, depuis que nous sommes allés lire le verset 1, vous avez vu nu être quelque part où Dieu est en train d'agir. Il entre en plein dans le film, il dit que c'est moi qui l'ai envoyé. Rentrons au chapitre 9, encore le verset 1, Dieu. Parce qu'il a averti Samuel un jour avant en disant que demain, à telle heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Si c'est lui qui va envoyer cette personne-là à cette heure-là, ça suppose qu'il va faire tout et tout pour qu'à cette heure, il soit là. Donc les femmes qui vont l'avertir pour qu'il soit là, pour qu'ils arrivent rapidement, doivent être vraiment dans le programme. Mais Dieu n'est pas obligé de détailler que je vais passer par une fille qui va être en train de puiser l'eau. Ça veut dire même l'eau qui manquait à la maison pour que les filles ne puissent pas puiser. C'était prévu dans le plan du Seigneur. Quelqu'un dit la direction de Dieu dans nos vies. Donc il dit demain à 7 heures. C'est ce qu'il écrit dans verset 15. Or, un jour avant l'arrivée des Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant demain à 7 heures. Donc l'heure à laquelle Dieu l'a rencontré, il a dit à 7 heures, c'est donc si c'était à 15 heures. Donc à 15 heures, il sera en train de rencontrer Saül. Donc il faut que Dieu donc utilise tous les concours, les circonstances, les gens qui vont faire tout et tout pour que Saül arrive là-bas à cette heure. Saül ne connaît pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Saül ne connaît pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dans sa tête, il peut faire quoi? Dieu lui a annoncé ce qu'il veut faire avec sa vie. Dieu lui a demandé s'il veut être comme ça. Il a décidé dans son conseil, dans son bon conseil, et il le conduit sur la terre comme il veut. Il manipule. Par quoi il a commencé? Chasser d'abord les brebis de la maison de son père. Il a commencé par chasser les ânesses dans la maison de son père. Son père pouvait dire que comme c'est égaré, on va faire comment? On ne peut plus voir dans ce pays si on vole. Son père pouvait décider d'envoyer plutôt le serviteur aller les chercher. Il a décidé d'envoyer plutôt son fils avec ses serviteurs. Avec un endroit, il pouvait se décourager. Lui, il a dit qu'il faut qu'il rentre. Dieu a dit que ce n'est pas comme ça. Ne trouve pas, monsieur, ce n'est pas ici qu'il t'a envoyé. Il a accentué encore la mission par son serviteur. Et il a prévu dans son esprit qu'il accepte cela. Parce qu'il pouvait dire non. Allons-y à notre père qu'on a fouillé, partout, on n'a pas vu. Il a dit que ah, tu as raison. Allons-y. Est-ce que vous comprenez? Imagine que le serviteur a dû chercher mais le talent qu'il a dit que son offre à l'homme de Dieu. Dieu avait donné la solution. Il a fait que le gars a oublié l'argent dans sa poche. Quelqu'un dit Dieu dirigeant toutes choses. Donc rentrons au chapitre 1, chapitre 9, verset 2. Il dit, verset 2 du chapitre 9. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de qui son père de Saul s'égarèrent. Vous avez souvenu ça tout à l'heure, non? Donc, en réalité, sur le plan humain, pour qu'on puisse comprendre, les ânesses sont égarées, mais c'est Dieu qui est derrière cet égarement. Parce que si les ânesses ne s'égaraient pas, ils ne seraient jamais partis à parcourir le pays pour aller là où Samuel se trouvait. Vous savez, c'est frère bien-aimé. Alors, je pose donc la question. Les choses qui sont égarées dans nos vies, Les choses que nous cherchons sans voir, savons-nous pourquoi ça s'est égaré? Des personnes que nous perdons à un moment bien déterminé. Des situations que nous, qui nous arrivent, nous avons des problèmes avec telle personne qui nous pousse à nous séparer à un moment donné de notre vie. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est derrière? Donc c'est en étudiant ces choses-ci comme ça qu'on commence à comprendre donc comment Dieu agit dans les vies des gens. Je vais encore recommencer ceci. Écoutez très bien, depuis le départ. Les ânes de Christ s'égarent. Il choisit son fils et son serviteur qu'il allait chercher. Il part chercher, il ne voit pas, il veut rentrer. Le serviteur dit à celle qu'il y a un homme ici qui, s'il parle, ça va arriver. Ils sont allés voir. Dieu, un jour avant, dit que je vais t'envoyer quelqu'un ici demain à cette heure-ci. Je recommence encore. Est-ce qu'il y a un endroit depuis le verset 1 que Dieu a dit que Saul, lève-toi, tu vas voir le prophète? Non. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne lance pas des sanctuaires en bas là-bas. Quand vous êtes ici en haut, ne balancez rien en bas parce que vous pouvez balancer, ça forme, ça tombe chez les gens. D'accord? Donc, vous qui êtes dehors, suivez les enfants qui sont là-bas. Donc, Dieu dit à l'homme de Dieu que demain, à cette heure, c'est toute votre attention parce que ça va commencer à embriguer là-dedans. Dans tout le pays qu'ils ont parcouru, ils marchaient comme ça, ils étaient dans le plan de Dieu. Donc, tout le parcours, ça veut dire que même s'ils marchent n'importe comment, le désespoir entre n'importe comment, ils vont faire tout et tout, ils vont seulement arriver là où Dieu a l'air de vouloir. Vous cessez jusque-là? Ça veut dire que quand tu dis je marche, marche, personne, personne, je fouille partout, personne, personne, je tourne, tourne. Continue à tourner. Tu vas tourner, tourner, tu vas voir qu'il n'y a personne comme Jésus. Donc le point final, c'est lui. L'alpha et l'oméga, c'est lui. À moins que tu n'arrives à ce point-là. En fait, de toute façon, si tu es dans son plan, ça c'est clair, seul est dans son plan. C'est pour ça que s'il tourne un peu comment, il va arriver à lui. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu nous dit, donc Dieu nous donne un renseignement que c'est lui qui l'a envoyé. Il dit, je vais t'envoyer quelqu'un à cette heure-ci, un homme de Benjamin, tu le prendras pour roi. Donc le gars sort chez lui comme ça pour aller chercher la nièce, voilà le roi en train de partir, mais il ne connaît pas que c'est la destinée du roi. Donc il sort comme ça, il sort chercher la nièce, il rentre roi d'Israël. Quelle destinée? Vous saisissez ça, frère? Donc, si les ânes de Kis ne s'étaient pas égarés, Saul ne serait pas entré dans cette destinée. Donc, les ânes de Kis qui s'égarent sont dans la parfaite harmonie avec le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu que ça s'égare. Alors maintenant, s'il ne voit pas les ânes, maintenant, Dieu fait comme ça. Après, quand il va finir le renseignement, si vous continuez à lecture, vous allez voir, on dit que non, ne t'inquiète pas. Puisque quand il va rentrer l'homme de Dieu va lui dire tout ce qui est sur son cœur. Et lui dit que ne t'inquiète pas. Quand tu vas rentrer, on va dire que les ânes que tu cherchais là, c'est égaré. Donc Dieu a fait que les ânes fassent un détour pour les embrouiller, pour que Saul entre dans sa destinée. La manière de Dieu de diriger nos vies. On peut avancer dans un autre passage. Puisque nous sommes dans 1 Samuel, restons dans 1 Samuel. Alors au chapitre 1. La manière de Dieu de diriger nos vies. On va maintenant toucher un deuxième cas, maintenant, le cas qui souvent énerve. Le cas qui énerve. Parce qu'ici, c'est la bonne chose. C'est-à-dire, le gars sortait pour aller chercher quelque chose. Il entre dans quelque chose qui est bon. Pas vrai? Nous allons prendre plutôt maintenant, c'est que là où c'est amer. Là où les gens n'aiment pas entendre. C'est là, Dieu aussi est derrière. Amen. Chapitre 1 de 1 Samuel. Je vais encore lire à partir du verset 1. Et maintenant, quand vous allez souligner ça dans votre Bible, si vous voulez déchirer les parties, vous vous jetez. Mais c'est ce qui est écrit, d'accord? Il y avait un homme de Ramathaim Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joraham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Touf, Ephraïm. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Souligner, Anne n'en avait point. On parle un instant là-dessus. Et lorsqu'on parle, je vais vous donner deux passages que vous allez mettre en relief. On va lire ça lorsque le moment viendra. Lorsque je vais parler un instant, je vais vous donner trois ou quatre passages. D'accord? On dit, Pénina avait des enfants. Anne n'en avait point. La suite de l'écriture nous donne une situation que cet homme 1, Elkana était polygame, n'est-ce pas? L'autre femme s'appelait Pénina. Celle-là, elle ne servait même pas Dieu. Anne, c'est celle qui craignait Dieu. Et c'est curieusement celle qui craignait Dieu qui n'avait pas d'enfant. Celle qui ne craignait pas Dieu avait des enfants. C'est ce que la Bible nous regarde. Alors, vous allez voir ces choses-là successivement dans la Bible. Notez donc, psaume 73, psaume 49. Vous avez noté? On va revenir là-dessus là-dedans. Psaume 73, puis le psaume 49. Donc, notez. On va, parce qu'on va revenir concernant cette situation-ci. Le but pour lequel nous sommes de voir, c'est pourquoi vous voyez comment Dieu agit avec ses enfants. Afin que vous ne murmuriez point lorsque ces choses arrivent. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? C'est pour ça que dans cette lamentation, au chapitre 3, le verset 26, il dit qu'il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. D'accord? En silence. On avance? Donc, on dit Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point. Vous avez souligné? Avançons, regardez. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Maintenant, suivez le verset suivant, dit quoi? Il aimait Anne que? Je veux que tout le monde lise là. Il aimait Anne que? Encore, il aimait Anne que? Comment? Dans un foyer, une femme craint Dieu, Dieu la rend stérile. Celle qui ne craint pas Dieu. Quand elle voit son mari, on se dit bonjour, l'enfant entre. Elle salue bonsoir, l'enfant entre. Elle se tourne là-bas, l'enfant entre. L'autre femme calcule ses règles. Elle dit que j'ai ajouté moins un, j'ai ajouté ceci, l'enfant n'entre pas. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. La question c'est, pourquoi Dieu fait ces choses? Oh, regarde, une fois de plus, c'est ici que nous, toi et moi, nous sommes. Lorsque les acteurs sont en plein dans leur vie, en train de vivre cela, personne ne leur donne le renseignement que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. C'est vous et moi maintenant, parce que le compte rendu est mis sur écrit, qu'on peut apprécier ce qui se passe dans leur vie. Vous savez, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que l'histoire qui est en train de se passer, quand Pénina, Anne et Elkana sont en train de vivre cela, ce n'est écrit nulle part. C'est après qu'on met ça par écrit pour nous montrer que c'est Dieu qui était derrière. Quelle est la situation de cette femme? Comment elle peut vivre cette pression, cette oppression, cette frustration dans ce foyer? Quelqu'un dit encore, Dieu dirigeant toutes choses. Alors maintenant, la question maintenant c'est, pourquoi donc Dieu va rendre la personne qu'il aime, qui le sert, stérile, et rendre l'autre fécond? Pourquoi? Comment cette femme sait qu'il le sait? Alors vous allez comprendre, continuons seulement mes corrects, regardons bien. On dit donc que cette femme, cet homme-là, elle essayait de couvrir parce qu'elle connaissait l'affliction que cette femme-là avait. Est-ce que vous comprenez? Imaginez que vous êtes deux dans une maison. La femme que l'homme aime plus n'a pas d'enfant. Si elle fait n'importe quoi, les enfants les regardent, elle interprète les gestes parce qu'il y a les interpréteuses, les femmes. Tu fais comme ça, elle dit que si j'avais l'enfant, tu entends être dans son coin, elle pleure. Si elle appelle un enfant, prends-moi l'assiette là, elle dit que qui prend l'assiette? Les pleurs commencent. Que si mon enfant ici, c'est qu'il n'est pas avant de chaque. Vous savez? Si vous lisez Genèse, chapitre 30, lorsque on histoire de Rachel et Léa, ça s'est passé comme ça. Rachel n'a pas pu supporter. Elle a attrapé son mari, on l'a comme ça. Que tu vas me donner l'enfant maintenant, ou bien je meurs. Jacob a dit que laisse mes cravates jusqu'à ce que je meurs. C'est moi. Moi, je fais chaque 5 heures. Ou est-ce que je vais faire moi pour l'enfant? Est-ce que je suis à la place de Dieu? Que je fais tout ce qu'il peut faire. Que Dieu a dit que l'homme est mal à la femme. Bon, le reste, c'est lui qui fait. Jacob vient de reconnaître que l'esquimatozoïde n'est pas un fruit de hasard, la rencontre avec les gamètes. Mais les scientifiques trouvent ça normal, comme si c'était normal. Que c'est normal qu'un spermatozoïde rencontre un œuf et puis ça fécond. Alors là, on commence à dire des quantités de spermatozoïdes. Alors, vous prenez un cas de couple dont la femme a tous les sénomes, les hommes ont tous, l'homme a tous ses normes, les quantités de spermatozoïdes, ses normes, on rencontre, ça ne donne pas. La question c'est, qu'est-ce qu'il en est? La science n'a pas de solution. Dieu l'a rendu stérile. Parce que les sciences tentent de nous raison, de donner des explications à tout. Et ils doivent être l'interprétant, c'est-à-dire les interprétants de la nature. Alors, cet homme essaie donc de donner des cadeaux à sa femme. Quand il donne des cadeaux, il donne beaucoup de pas à Anne. Quand Anne va prendre 4 télévisions, mais de ce côté-ci, elle ne peut pas envoyer la télévision qui va puiser l'eau. On est d'accord? Elle ne peut pas porter la télévision jouer comme ça que « Hey bébé, hey bébé, hey bébé ». Elle ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Elle ne peut pas rester aussi comme ça, porter le bébé, bébé ne pleure pas. Parce que quand on pleure comme ça, on met sur la poitrine, on pense, on dit, oh mon bébé. Pas vrai, frère? Elle ne peut pas faire ça. Même si elle donne n'importe quoi. Donc, quel qu'en soit ce qu'elle a, c'est pour ça que la Bible déclare en proverbe qu'il y a des choses qui sont insatiables. La femme stérile qui n'a point enfanté. Donc, quand elle dit que donne-moi l'enfant, si tu es son mari, tu as besoin de prières. Tu as intérêt à. Parce que l'enfant n'a pas sauf que sorti. Amen. Continuons. Verset 6. Sa rivale, nous voilà. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que. Donc ça se dit que. Maman, vous êtes encore monté à Sile encore cette année. Je croyais que je devais rentrer avec le gros ventre. Sa rivale. La Bible déclare que le but pour lequel elle portait les mortifications, c'est pour la porter à s'irriter contre l'Éternel. Donc des situations arrivent dans nos vies. Dieu l'a prévu. Les gens qui ne sont pas de servir Dieu sont de l'autre côté. Comme ça, dire que toi tu dis que tu sais Dieu. Pourquoi ça ne réussit pas? Tu dis pourquoi tu sais Dieu? C'est vraiment Dieu que tu sais. Pourquoi faut Dieu là? Pourquoi nous réussissons? Et très souvent, ils ont les choses que vous avez besoin. C'est ça le problème. Elle a des enfants. Penny n'a qu'un des parents qui se moque d'elle. A des enfants. Anne n'a pas d'enfant. Et la Bible nous révèle que c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. Hé, hey, ne touche pas la justice de mon enfant. Tu peux accoucher l'enfant. Si tu tues mon enfant, tu peux accoucher. Ventre stérile. On dit, ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la pousser. Donc, pour la pousser à bout. Afin qu'elle s'irrite contre l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Ça veut dire qu'elle se tourne du côté. Donc, c'est le piège de Satan. C'est le piège de Satan. Que fâche-toi contre Dieu. Pourtant, tu es en train de le servir. Pourquoi j'essaie Dieu? Frère, ne posez jamais cette question à Dieu. Ne faites jamais cette erreur. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette erreur. Pourquoi j'essaie de rien ne me réussir pour moi? Ne faites jamais cela. Vous faites ça. Dieu va multiplier la souffrance là. C'est pour ça que nous sommes en train de voir ceci. Dieu dirige nos vies. Dieu permet que ces choses soient écrites dans la Bible afin que nous utilisions ces principes et que quand les moqueries viennent, vous restez seulement tranquille en sachant que le même esprit qui a joué dans Pénina, le même esprit qui a joué dans Anne, et que la façon que Anne a agi reste aussi tranquille. Le même Dieu qui a agi dans son côté va agir ici. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dieu ramène toutes choses à l'existence. Vous comprenez, frère? Donc la Bible déclare que Pénina prodiguait des maîtrises, des mortifications pour la pousser. Donc elle la pousse à bout. Elle se moque d'elle. Je crois que vous allez prier. Je crois que quand tu veux prier, ton situation devait changer. Pourquoi ça ne change pas? J'étais venu voir le pasteur, Pourquoi ça ne change pas? Les moqueries. Et alors, quand tu prends cela, on te donne les semences de moqueries, mais ça, tu ne peux pas t'asseoir seul dans son coin. Tu dis que vrai, Dieu là existe vraiment. Quand tu doutes comme ça, tu dis ok. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand un tel homme n'espère de recevoir de Dieu, rien de choix qu'il va demander. Donc, Satan a trouvé son terrain. Il a réussi à son coup. L'homme de la foi, l'homme qui a la foi de Dieu, l'homme qui a le style des fois que Dieu cherche ne base pas sa relation avec Dieu sur les prières que Dieu répond. Ne base pas sa foi sur les circonstances, les bonnes circonstances dans lesquelles il traverse. Mais dans les circonstances difficiles, il utilise ces circonstances pour glorifier le Seigneur qui est le Seigneur de sa foi. C'est ça l'homme de la foi. L'homme de la foi est connu justement lorsque l'épreuve vient et il ne succombe pas aux épreuves. L'homme de la foi vint à la victoire dans les épreuves en restant dans le silence et laisser la foi passer au travers de ces épreuves. C'est ça l'homme de la foi. L'homme de la foi ne pose pas les questions pourquoi ceci. L'homme de la foi sait que c'est normal qu'un homme comme lui passe là-dedans parce que les autres sont déjà passés. Souvenez-vous du livre de Jacques au chapitre 5. Est-ce que vous comprenez? Dans ce livre de Jacques au chapitre 5, il dit à partir du verset 11 là-bas, en montant, il dit que prenez pour modèle des fois les prophètes qui ont prophétisé. Qui ont prophétisé, qui ont annoncé ces jours-ci. Regardez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. La Bible est claire. Imitez leur foi. Commencez par le prophète Abraham. Comment, puisqu'on a parlé de lui comme étant le père de la foi, comment a-t-il vécu sa foi? Comment on peut dire à quelqu'un que père d'une grande nation? Il se passe là-bas, on dit que père d'une grande nation. Il dit que non, père d'une multitude. Il dit que non, mais après, puis père d'une grande foule. C'est père d'une grande multitude. Le père là, il délire déjà. Non seulement il a quitté, mais il n'a pas perdu une nation, alors qu'il n'a pas encore un enfant, mais il n'a que perdu une multitude. Multitude, mon nez, ouais. Il voit au-delà des moqueries. Il voit au-delà des moqueries parce qu'il sait très bien que celui qui a fait la promesse est fidèle. S'il a dit quelque chose, il va tenir. Et même quand l'enfant vient, cet enfant, ce qu'il a dit que en Abraham, en Isaac sera suscité pour toi une postérité, il dit encore que va tuer. Le gars prend le côté et dit que Wanda, faut tuer. Ok, de toute façon, l'enfant c'était d'abord où pour avant de veiller. Si il le tue, il va encore le ressusciter. Parce que la Bible déclare, il croit, il pensait qu'il pouvait le recouvrir par quelques résurrections d'entre les morts. C'est ce qui était dans son esprit. L'homme de la foi. Prenez Joseph. Il a vu en vision sa vie spirituelle. En aucun cas, il n'a murmuré. Bien plus, lorsqu'il était en pouvoir de traiter avec tous ses ennemis, il a plutôt fait la faveur à ses ennemis. Vrai ou faux? Souvenez-vous de Moïse, l'homme de la foi. Il est resté comme ça. Imaginez comment a été possible. On va revenir sur ces cas-ci en étudiant sa vie, la vie des hommes de foi. Elle est confrontée avec notre foi à nous. Donc, gardez ceci comme thème. On va voir cela. L'église là-dessus un instant. Imaginez que quelqu'un quitte l'Égypte, il commence à partir. Et que tous les circonstances aux côtés de lui disent que Moïse, tu es en train de faire le mauvais choix. Ici, tu pourrais être pharaon. Ici, tu as tout. Comme tu peux manger, tu vas dans le désert, dans l'inconnu, que tu n'as personne qui va te tenir. Il arrive là-bas dans le désert, un an, Dieu ne parle pas. 2 ans, il ne parle pas. Pourtant, en quittant l'Égypte, c'est Dieu qui lui a dit par révélation que pas. Quand il a dit que pas, il est passé dans le désert. 30 ans, il ne parle pas. Imaginez comment il pourrait être désarçonné à l'intérieur de lui. Est-ce que c'est Dieu qui m'avait vraiment parlé? Un temps, tu as des problèmes, Dieu te donne un verset. Que demeure dans le silence, je viendrai à ton secours. Le problème se multiplie encore 800 fois. Tu dis, vrai, est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu? Oui, tu as vraiment entendu. Ouvre le verset, ça disait la même chose. Il n'a pas dit que maintenant je viens. Il a seulement dit, je viendrai. Pas vrai? Amen. Je viendrai, ça dit qu'à tout moment, pas venir. Il peut venir. Donc, il laisse que les choses arrivent jusqu'au niveau où lui, il ne veut pas ce que tu veux. Seigneur, tu me vois même ce qu'il fait. Quand je dis, si tu me vois ce qu'il veut, la Bible dit que l'Éternel connaît toujours avant le commencement. Donc, c'est un non-sens de lui dire que tu vois même ce qu'on me fait. Tu entends ce qu'on dit, ce que tu as à l'intérieur. Tu entends ce qu'on dit de moi. Je me fâche, hein. Fâche-toi, tu enlèves à la situation. Moïse, imaginez, 39 ans. Il était dans le désert toujours. Imaginez ce qui peut lui traverser l'esprit. Alors, tu pouvais quitter un emploi, quitter un endroit, quitter un poste pour le Seigneur. Vous arrivez dans un nouveau poste, rien ne semble pas marcher. Pourtant, si vous avez vraiment entendu la voix douce du Saint-Esprit qui vous a demandé de quitter là-bas. Tu quittes, c'est ça le problème qui commence à venir. Les voisins se moquent de toi. Même les propres frères se moquent de toi. Même Jésus a eu du mal à en découdre avec ses propres frères. La Bible déclare que dans sa propre maison, personne ne croyait en lui, ses frères. On dit que, merci. On a porté le plan, c'est qu'on était ensemble, on dit que c'est fils de Dieu. Va dehors, non, tu gueules, tu restes ici à la maison. Va dehors, parce que personne, quand quelqu'un se montre, il ne vient pas que dans le fond. Va dehors. C'est parce que ses frères lui ont dit à Jésus. Il les a regardés comme ça. Il savait où il allait. Il savait ce qu'il avait comme promesse. Il savait là où il marchait. C'est ça, frère. Si pour cela, il disait à ses frères que vous n'entrez plus dans mon royaume, c'était fini pour Jacques, pas vrai? C'est ce Jacques-là qui est encore écrit pour modèle les prophètes qui ont prophétisé le modèle de la foi. C'est lui qui a dit ça. Donc il a compris. Il appelle maintenant Jésus qui est son Seigneur. C'est ça, frère. Moïse a fait 30 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans. Il n'avait plus entendu la voix de Dieu. Il était derrière, bébé. Tu crois, imaginez un vieillard dans le désert en train de poursuivre un brebis, sous le soleil. Sephora, tu fais quoi? Laisse-moi, c'est le brebis. Il était dans les entraînements. Le temps de Dieu n'était pas accompli. Un de ces jours, il vient dans les montagnes où il faisait perdre ses brebis chaque fois, depuis 30 ans, 39 ans. Il se tourne, le feu est soit, oh frère, c'est merveilleux. Le moment de Dieu est arrivé. Il se tourne là, il voit le feu qui est en train de brûler. La Bible déclare que, faut que je me détourne pour voir cette vision. C'est quoi la vision? Moïse! Le temps de Dieu est arrivé. Donc, il n'a pas fait le mauvais choix. Donc, il se pourrait que tu quittes un emploi. Il faut croire que tu quittes une position A, une position B. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Il n'en demeure pas moins qu'il est à l'œuvre. Il ne te donne pas les renseignements que toi tu veux. Il fait selon ses besoins. Souvenez-vous, quand Saul est quitté là-bas, il n'a pas dit à Saul que c'est lui qui l'envoie. Quand il est arrivé dans tout le pays qui marchait, là, c'est pas, il n'a pas dit c'est lui qui l'envoie. Quand il va arriver chez l'homme de Dieu, il va dire que Dieu t'a choisi. Il dit, mais qui suis-je? Je suis moi qui suis dehors. Il dit, justement, parce que tu n'es personne, que Dieu est quelqu'un dans ta vie. Parce que tu n'es personne, que tu es quelqu'un dans ta. Quand tu es quelqu'un, Dieu ne peut plus être quelqu'un parce que Dieu est quelqu'un. Dieu veut être quelqu'un dans ta vie. Donc c'est lorsque nous sommes faibles, alors il vient pour être notre force. Est-ce que vous comprenez? Alors lorsque quelqu'un commence à vouloir faire quelque chose par lui-même, quelqu'un dit que j'ai fait mon plan pour l'année. Écoutez comment les nations ont sont éloignées de Dieu. Écoutez. Comment vous appelez ça? Émergence? Horizon? Savent-ils ce que Dieu a de prévoir comme tornade sur le pays? Imaginez que tous les édifices qu'on va construire, ça, Dieu racle ça avec les eaux. 2035, ils verront cette émergence. Donc la Bible déclare que dans le psaume 33, que Dieu anéantit les projets des peuples. Il anéantit. Tout peuple qui forme le projet sans l'Éternel, c'est voir l'échec. Horizon 2035. Tout le monde est là comme ça. Là. Dérive qu'on travaille pour développer le pays. Développer le pays pour que les systèmes informatiques se mettent bien en place pour contrôler les enfants. Afin que l'antichrist. De toute façon, on va arriver jusque là. Vous voyez, n'est-ce pas? On va arriver quand même, jusque là. Parce que c'est l'ordre des choses. Mais ce qu'il veut dire, c'est que toute personne qui forme des projets à long terme sans Dieu, Il a laissé tromper tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque quelqu'un dit que je vais aller demain à tel endroit, il ne sait pas ce que Dieu a prévu pour lui. En ce temps-là, il a éloigné le Seigneur de lui. C'est ça, frère? Vous me comprenez? Où est-ce que je dis? C'est pas ce que ça ne veut dire. Dans le livre de Jacques, la Bible déclare que à vous autres qui dites que demain nous allons à tel endroit, telle année nous allons trafiquer, telle année nous allons trafiquer. Après, il dit que vous vous glorifiez de telle sorte par les pensées orgueilleuses. Vous qui ne savez pas ce qui va arriver dans le jour suivant. Il dit que vous direz plutôt au contraire. Si Dieu le veut, nous, donc nous faisons ça sous la permission de Dieu. Si Dieu le fait. Donc ce projet-ci est successible d'échanger à tout moment si Dieu décide. C'est ce que Dieu, voilà la façon de faire le projet avec Dieu. Donc la façon de faire le projet avec Dieu, c'est que si Dieu permet de me pourrir à être à Yaoundé. Alors tu appelles quelqu'un, dit que tu es aujourd'hui, ça doit aller, viens demain à Yaoundé. Et puis le lendemain, tu entends sur l'arbre de l'émon. Est-ce qu'il arrive à Yaoundé? Parce qu'il n'a pas fait le projet avec Dieu. C'est si Dieu le veut, je partirai à Yaoundé, je pourrai revenir. Combien sont sortis, ils ne sont pas rentrés? J'étais allé à Bonabéry, il est devant moi comme ça, le camion a crasé deux personnes. J'étais devant la voiture, je voyais le corps sur le sol comme ça, avec le sang. Toutes les pensées me sont venues à l'esprit. Celui-ci, imaginez que la personne était sur la montée, elle a vu une jeune fille, elle a dit comme ils insultent, que ta mère, et bam, subitement, elle est morte. Où est-ce qu'elle se trouve? A-t-il fait la paix avec le Seigneur avant de mourir? Ils sont sortis dehors, derrière la maison. Hey, il faut qu'il parle au travail, je vais être en retard. Est-il arrivé au travail? C'est pour ça que je vous dis chaque fois, c'est nécessaire que vous soyez en communion avec Dieu avant de sortir. Même si votre travail n'importe quoi, entrez en communion avec lui parce que vous pouvez ne plus jamais arriver à ce travail-là. Parce que dans la communion, il peut te dire, reste tranquille ici à la maison. Non, non, non, mon patron, on va me renvoyer. Reste tranquille parce que c'est mieux qu'on te renvoie et que tu sois vivant. Que de venir te donner les honneurs à titre posthume. Qu'il était un bon serviteur, il était à l'imparfait. Il était, ça fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Exode. Donc nous voyons dans ce scénario de Jemina, de Penina et Anne, regardez bien le scénario et voyez la fin de la chose. Voyez la fin de la chose, continuez la lecture jusqu'au chapitre 2, vous allez voir comment Dieu va donner l'expression de la joie au visage de cette femme-là. Ça veut dire quoi? Les frustrations que la femme-là pouvait traverser étaient dans le plan du Seigneur. Si elle avait compris le plan du Seigneur, elle ne serait plus frustrée. Et lorsque Anne est entrée dans la dimension spirituelle du contentement, en comprenant que la volonté de Dieu, c'est lui seul qui le veut, et quand il le fait, elle n'a plus murmuré. Quand la femme a fait n'importe quoi, elle n'a fait n'importe quoi à mesure, elle est restée tranquille. Elle est rentrée avec l'enfant. Donc le murmure ne changera rien jusqu'à ce que vous arrivez à l'état où vous allez vivre en incontent sur Dieu. Plus tu murmures, plus Dieu fait de la chose durer. C'est n'est-ce pas? Or, elle n'est pas seule dans la Bible comme ça. Si vous lisez Genèse, au chapitre 15, vous allez voir, Dieu va faire sortir Abraham avec sa femme. La Bible déclare que Sarah était stérile. Dieu ne lui avait point donné d'enfant. Vous lisez Rachel, Dieu ne lui a point donné l'enfant. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? À Exode. Mais devons aller dans le Nouveau Testament, c'est plein partout dans la Bible. Partout dans la Bible. Exode. Chapitre 2. Notez les versets 1 à 10. Donc, je vais lire ici, si c'est besoin de faire, j'arrête et j'explique seulement ce qui se trouve là-bas. Notez aussi Exode chapitre 14. J'espère que vous entendez nous dire. J'explique pour Exode chapitre 14, il faut que vous voyez. Vous êtes avec moi? Nous sommes en train de voir aujourd'hui la direction de Dieu dans nos vies. Je vais expliquer Exode chapitre 14 et revenir ici rapidement parce que ça, c'est le film là-bas. Dans Exode chapitre 14, écoutez très attentivement. Il s'agit de la traversée de la mer lorsque les Juifs sont sortis de l'Égypte. Ils vont arriver là. Dieu leur demande en Égypte de sortir de l'Égypte pour aller dans le pays, dans le désert, pour l'adorer. Quand ils sortent, s'il vous plaît, suivez vraiment les enfants. Quand ils sortent, Dieu leur demande de traverser la mer. Les techniques des hommes, les voies des hommes, la façon des hommes de diriger, ce n'est pas la façon de Dieu. Dieu arrive devant l'obstacle, il ne réfléchit pas comme un être humain, parce qu'en réalité, Dieu lui ne voit pas d'obstacle. Vous saisissez ça? Dans ce chapitre 14, je suis en train de parler de la direction de Dieu dans nos vies. Dans ce chapitre 14, il montre l'une des principales choses, l'une des principales vérités entre les êtres que Dieu s'est choisi, la difficulté et la réaction face à face vis-à-vis de ces dieux-là. Le chapitre 14 montre l'une des vérités entre les gens que Dieu s'est choisi, le peuple de Dieu, devant les difficultés et la réaction face à face vis-à-vis de ces dieux. La vérité, c'est quoi? C'est que quand Dieu choisit quelqu'un, il va le conduire à bon port. Quand Dieu choisit quelqu'un, il s'occupe de toute difficulté que la personne va traverser. Quand Dieu choisit quelqu'un, toutes ces difficultés-là sont prévues dans sa marche. Quand Dieu choisit quelqu'un, il a des difficultés qui lui sont réservées de la part de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, les solutions à toute difficulté qu'il va rencontrer doivent être comptées et venant de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, toute murmure vis-à-vis de ces difficultés-là ne sera que désarroi et frustration devant le Seigneur, parce que de toute façon, tu vas souvent traverser dans cette difficulté. D'où la nécessité de comprendre ces choses afin de ne pas murmurer une fois de plus. Alors, donc, les Juifs vont sortir de l'Égypte. Ils vont avoir des choses dans le désert, les successions des choses. J'épargne toutes les choses qu'il y a dans le désert. Ils se confrontent maintenant à la mer. La difficulté n'était pas humaine, elle était naturelle. Ici, l'eau ne connaît pas ta grand-mère, ni ton grand-père. Quand tu entres dans là, la loi que Dieu lui a donnée depuis la création, c'est que tout corps plongé dans les eaux liquides reçoit une poussée verticale. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu respires, tout âme qui respire, si tu n'as pas les nageoires, là-bas tu t'es noie. c'est la loi de l'eau là-bas. Et la loi de l'eau, l'une des lois de l'eau, c'est qu'il n'y a plus de plus fort que lui. Tu te bats, il reste tranquille, il est toujours là depuis l'éternité. Tu vas seulement, sauf que tu es noyé, obéir à sa loi. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils sont confrontés à la difficulté naturelle qui est devant eux. À gauche, ils regardent, si on va vers la gauche, ça c'est une certitude dans un désert certain et la mort est certaine. Ils regardent à droite, il a les zones montagées du mont de Sinaï. Donc, tu montes les montagnes, tu descends avec les scorpions et les aspics. Ils regardent derrière, un trou pharaonien en train de venir à tout vitesse, poteau. Ils regardent devant eux, il y a la mer, certainement la noyade et les crocodiles. Donc, encerclés par des difficultés. Ici, où tu es de Dieu, où tu n'es pas de Dieu. Alors, Israël était dans cette situation-là. Quelqu'un dit Dieu dirigeant toutes choses. La Bible déclare que Dieu avait soufflé avec ses narines pour que l'eau souffle. Vous savez ça? Vous avez lu ça dans votre Bible? Donc, Dieu a fait, la narine, l'eau a fui. C'est ce que la Bible dit, frère. Si vous n'avez jamais lu, lisez la Bible. C'est ce qui est écrit, de toute façon. Dieu a fait comme ça. L'eau a fui. Vous savez, quand l'être humain aime la sensation, il a dit, moi, lève la main. Quand il a levé la main, c'est là où ils ont vu que l'eau s'est ouverte. Parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Comme par exemple, tu dis à quelqu'un que, il prie pour toi, ça va. Il dit que je n'ai pas entendu au nom de Jésus. Tu n'as pas mis la main sur toi. Mets la main sur moi pour qu'il sente une sensation. J'ai senti le courant monter. Oui, ça a marché. C'est, les êtres humains sont comme ça. Que si tu pries pour lui, tu ne mets pas la main, c'est que tu n'as pas prié. Alors que quand la personne est assise là, spirituellement, tu peux le déplacer ici, toucher même avec ton corps. Toucher même avec ton corps. La personne est assise là, tu pries pour la personne. Quand tu dis ça va, ça va. Ce n'est pas la sensation que la personne. Il y a des sensations qu'on peut ressentir. Mais on peut prier avec lui, là, n'importe où. On peut toucher, par exemple, il peut toucher le frère Sam étant ici. Le frère Sam, il s'agit de toucher le frère Sam maintenant sur son épaule. Ici, le frère Sam, où il est où? Dehors. Le voici ici, sur son épaule. Vous pouvez toucher. Alors maintenant, si tu veux prier pour le frère Sam, il dit que non, touche-moi sur la tête. C'est pour ça que touche la tête. Pourquoi on touche la tête? Les êtres humains aiment cela. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse que lève ton bâton. Mais la Bible déclare que Dieu avait fait souffler son narine et la main a fui. Donc, ce n'est pas le bâton qui a fait fuir. C'était pour les rassurer. Est-ce que vous saisissez? Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu a dit dans ce chapitre 14 que restez tranquille, vous restez tranquille. L'Éternel combattra pour vous. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les Juifs ont regardé Moïse comme ça, que tu veux. Souvenez-vous, quand Dieu parlait, c'est seulement Moïse qui entendait. Donc, il devait faire confiance à Moïse. Dieu dit, c'est que Moïse, ainsi parle l'Éternel, dit au peuple de rester tranquille. Il se tourne là-bas, il dit que restez tranquille, Dieu va combattre pour vous. Quand les gars se tournent, l'eau est là. Il se tourne là-bas, il y a la montagne, il se tourne là-bas, il y a l'obscurité. Le désert se tourne là-bas, les Égyptiens viennent dire que le gars, il est fou. Que l'Éternel combattra corps. Comment? Alors, le Saint-Esprit est descendu sur la colonne de nuit, arrivé entre les pharaons et les Israéliens. Dieu a fait comme ça, son manteau, là-bas c'était l'obscurité. Quand Pharaon fonçait, il voyait que non, c'est déjà noir. Il voit déjà noir, donc campons. De ce côté c'était la lumière, les Juifs avançaient. Ils avançaient doucement parce que c'est le jour. Donc c'était en même temps le jour de ce côté, en même temps la nuit de ce côté. Donc les gars ralentissaient pendant que les Juifs avançaient doucement. Mais étant ici, ils regardaient les Pharaons, comment ils se reposaient. Ils étaient étonnés que comment ils se reposent, mais les gars voyaient l'obscurité. Quelqu'un dit Dieu dirigeant toutes choses. Amen. La Bible déclare que la colonne de nuée qui était devant les Juifs est allée derrière eux, sortie comme ça, allée se placer entre les Égyptiens et les Juifs. Devenue l'obscurité ici du côté des pharaons, et ici c'était la lumière. Ils ont traversé la mer, quand ils ont fini de traverser, Dieu a quitté là, que vous voyez maintenant là où ils se trouvent. Qu'on a observé. Les gars sont allés avoir un bord de mer. Personne ne se pose la question comment faire, comment on a fait pour que l'eau qui était là puisse s'écarter. Ici, on devait faire totalement confiance à Dieu, même si Dieu dit que marche, vous pouvez marcher avec la tête, tu mets seulement ta tête, tu marches avec. Parce qu'il a fait quelque chose que personne ne pourrait faire. Dieu a laissé que Pharaon voit ces choses afin que sa gloire s'éclate. Dieu les a laissés foncer vers la mer. Après, il a dit que l'eau s'est couvert, l'eau les a couverts. Qui a lutté pour délivrer Israël? Dieu avait dit clairement, restez tranquille, l'Éternel combattra pour vous. C'est jusqu'à ce niveau-ci que Dieu veut que les gens lui fassent confiance. C'est-à-dire que si quelqu'un fonce vers toi comme ça, il dit que reste tranquille, ne bouge pas, il ne doit pas te toucher. Tu vois la grande main venir sur ton visage, tu dis qu'il va me toucher. Bon, c'est que tu vois comme ça, c'est que je bloque ça. Dieu dit, ça peut être le mensonge. Mais Dieu a dit qu'il ne te touchera pas. C'est ça, frère. C'est-à-dire que vous dites que vous aimez le Seigneur. Faites une confiance aveugle au Seigneur que cette maladie ne mène point à la mort. Cette difficulté ne peut pas te conduire à la mort. Cette manque que tu as ne peut pas te conduire à la mort. Parce qu'en réalité, ta relation avec le Seigneur n'est pas basée sur la guérison, sur le travail, sur la nourriture, sur le manger ou sur quoi que ce soit. C'est une relation qui est basée sur la confiance liée à l'amour. C'est l'amour tout simplement. Alors la question c'est, comment Dieu peut-il aimer quelqu'un et le laisser dans la souffrance? Pas vrai? Comment Dieu peut-il aimer quelqu'un et le laisser dans la souffrance? Tu es en train de souffrir, il connaît que tu es là-dedans. Il connaît que tu es en train de souffrir. Il connaît que tu traverses telle chose. En fait, pas qu'il connaît même que tu es en train de souffrir. La plus grave situation c'est qu'il a prévu ça. C'est pas qu'il connaît que non, je sais qu'il est en train de souffrir. C'est que c'est lui qui a fait. J'espère que vous comprenez. Je veux votre attention. Écoutez-moi, bien-aimé. Ce qu'on a enseigné aux gens, c'est que Satan a mis les difficultés devant les gens. Difficultés devant là. Que toutes difficultés que Dieu t'a mis, on botte ça. Aujourd'hui, sort de ça au nom de Jésus que tu parles. La première personne qui a passé les difficultés, c'était Jésus. Et c'est à part des difficultés, il nous révèle que c'est Dieu qui lui a donné sa coupe à boire. C'est ce qu'il a dit. Oui ou non? Oui. La Bible déclare, dans ce Hébreux chapitre 5, que bien qu'il fût fils, non, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il a pris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc, les souffrances, dans certains cas, sont destinées à apprendre à être obéissant à Dieu. C'est-à-dire qu'à suivre ses commandements, à suivre ses voies. C'est-à-dire que Dieu te met dans la difficulté pour son plaisir, afin de voir si tu vas suivre la difficulté. Pas qu'en voyant comme les hommes voient, parce qu'il sait exactement où tu vas aller. Mais il lui plaît de faire ça parce qu'il est Dieu. Si tu te fâches, sors de son monde. Si tu veux se fâcher, sors de son... Dis à ton voisin que si tu ne veux pas suivre Dieu, si tu dis ha ha, sors du monde où on voit. Cesse de respirer. La respiration, c'est sa respiration. C'est son eau que tu bois. C'est son sommeil que tu dors. C'est sa lumière que tu regardes. C'est sa pluie que tu utilises. Donc, si tu dis, ah, laisse tout ça, on voit. Même ton nez que tu utilises, c'est ça. Son œil là, c'est pour lui. Parce qu'il a dit que celui qui a formé les yeux, ne voit-il pas? Donc, celui qui a formé ton œil. Donc, lamentation. Regardez Exode chapitre 2, là, le verset 1 à 10. Donc, j'ai expliqué Exode 14, n'est-ce pas? Dieu est à l'œuvre. Donc, dans les difficultés, dans les persécutions, les fougues de l'ennemi, si nous avons confiance en Dieu, on reste seulement tranquille, Dieu agit. Nous avons vu cela. Nous avons vu le cas où quelqu'un est dans un manque qui est caractérisé par la stérilité. Et nous voyons comment ça a dû maîtriser son cœur, n'est-ce pas? Dieu a intervenu, lui a donné le prophète Samuel, dont nous avons vu au chapitre 9. Il dit quel livre? Lamentation chapitre 3. Avant de revenir dans Exode. Lamentation, c'est toujours après Jérémie. D'abord, écoutez le titre du livre. Ça vous dit là, si vous allez trouver Lamentation, ça veut dire les pleurs. Pourquoi quelqu'un, le titre d'un livre, c'est les pleurs? Les pleurs, lamentation. On y va? Chapitre 3. Je sais que les gens, les chrétiens de cette. Permettez-moi, gardez à l'esprit. Notez ce sujet de prédication sur les mots que les chrétiens n'aiment pas entendre. Donc, on va prêcher là-dessus. les mots que les chrétiens modernes n'aiment pas entendre. D'accord? Et laissez-moi, rappelez-moi seulement que je parle de cela. C'est entre vos mains. Dans Lamentations chapitre 3, je vais lire à partir du verset 26. Il est bon d'attendre en silence. La Bible dit qu'il est bon d'attendre quoi? En silence. Donc tu restes tranquille. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc il est bon. Donc il est préférable. Au lieu d'agir avec hâte, de rester tranquille. Tu le laisses qu'il agisse. Regardez. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Vous entendez cela? Donc c'est mieux pour toi que dans ta jeunesse que tu subis des peines. Tu subis des choses dures parce que ça te prépare à une vie d'un homme. Si tu es un enfant mou, tu vas confirmer quand tu vas vieillir. Verset 28, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. C'est vrai qu'on a parlé ici du Seigneur. Maintenant, regardez verset 29. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quel qu'en soit ce qui arrive à celui qui attend dans le silence et le secours de l'Éternel, quel que soit ce qui va lui arriver sur la terre, il ne mourra pas sans perdre son espérance. Il ne perdra point son espérance. Donc, il ne va pas mettre même s'il descend, il mourra la poussière un peu comme il ne va pas manger totalement la poussière. Donc, Dieu sera à l'œuvre toujours. On avance? Verset 30. Il présentera la joue à celui qui le frappe et se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à tout. Ah, regardez bien. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande misérie. Vous entendez ça? On dit que lorsqu'il afflige, donc quand Dieu afflige. Non, c'est Satan qui a mis la difficulté, la chasse là. Si tu as la pauvreté dans ta vie, c'est la malédiction, tu parles. Verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait? Vous entendez, n'est-ce pas? Donc Dieu, dit à quelqu'un, Dieu a ordonné toutes choses. Et toutes choses sont en ordre comme il a ordonné. Lorsqu'on n'a pas connu Dieu de cette façon-ci, vous allez entendre ces choses. 100 personnes sont mortes à tel endroit. Dieu était au pouvoir. On a tué les chrétiens de ce côté. Dieu était au pouvoir. C'est seulement en ordre. C'est dans le plan de Dieu que ça arrive ainsi. Parce qu'il va redemander chaque sang de ses enfants versés sur la terre. Jésus a dit qu'il sera demandé à cette génération le sang d'Abel qui a été versé depuis Abel jusqu'à Zacharie, fils de Bérékia, qui est mort à côté de l'autel. Pas vrai? Il sera demandé à cette génération. Est-ce que vous entendez? Tout le sang des saints qui a été versé sur la terre. Donc, quand on avance, vous pensez qu'Étienne qui guérissait les gens, Paul qui aveugle les gens, on l'a attrapé pour aller lui couper la tête, il ne peut pas aveugler les gens. Lui-même en personne, il est passé par là, on est venu pour l'attraper. Les gens ont dit, quand couteau, touche pas à mon Seigneur. Il a dit, hey, doucement, calme-toi, couteau. Et crois-tu pas qu'il soit capable d'invoquer mon Père, qu'il enverra un quoi? Les légions d'anges. Donc, 72 000 anges pour pouvoir venir à mon secours maintenant. En plus de ça, il n'a même pas besoin d'invoquer les anges. Il suffit de dire, disparaît, tu disparais. Parce que cette voix qui a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. C'est cette voix qui a créé la terre. Mon père, comment as-tu abandonné? Les gens sont sortis du tombeau ressuscité. La voix qui a dit que la terre soit. Cette voix. Donc il dit disparaissez, la personne disparaît. Il n'a pas dit cela parce qu'il fallait qu'il passe par là. Donc son chemin à lui-même, il est venu avec le rouleau sur lequel il est écrit qu'il devait souffrir. Là, il a dit que. Vous dites qu'il ne faut pas que. Ah, Seigneur, cela n'arrivera pas à Dieu ne plaît. Mais arrête-moi, Satan. Tu ne veux pas que j'accomplisse ma destinée. Comment vous voulez que l'écriture s'accomplisse? Ce qui est écrit de moi doit s'accomplir. Dis à ton voisin, tu as une écriture. Tu as ta part de rouleau. Tu as tes lots. Pas les lots qu'on gagne. C'est-à-dire ta portion à souffrir. Tu dois passer par là. Donc c'est mieux que tu saches. Il dit qu'il est bon pour toi de porter le joug dès ta jeunesse. Donc avançons ici. Il dit, arrive-t-il qu'il y a-t-il quelque chose qui peut arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté, voici le verset, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent quoi? Les bonnes choses? Les quoi? Donc ça veut dire que Dieu a ordonné toutes choses. Alors vous tournez, vous revenez dans Romains chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit les bonnes choses, il a dit toutes choses. Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va tout, je voulais vous, à l'entrée ici, à l'aube de mes propos, il tente de dire que Dieu a ça dans toutes les vies. Qu'il s'en soit n'importe quel païen ou pas que ce soit, Dieu a dans leur vie. Souvenez-vous de Nebuchadnezzar. Donc, Dieu est venu lui donner les visions par rapport à sa vie, comment il va faire, on va couper, on va donner son royaume, mais on va mettre la racine. Pas vrai? Dieu va lui donner les prophéties. Et une seule image dans le temple comme ça. Là. Il regarde comme ça. Il dit, waouh, le palais de l'unité. N'est-ce pas moi-même qui a fait toutes ces choses? N'est-ce pas moi-même qui a fait... La voix est sortie. Bam, les boucanais. À partir d'aujourd'hui, tu seras dans les champs. Pas vrai? Afin, jusqu'à ce que tu saches que le très haut élève qui veut sur la terre, le roi donne le royaume à qui il veut. Or, nous savons très bien que le monde est sous la puissance du malheur. Vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 20 et suivant, jusqu'au verset 22. Vous allez voir, lorsqu'on a fini de tuer Jacques, Pierre avait été libéré. Et de ce moment, la foule va s'asseoir, et elle va s'asseoir sur la, devant le trône. Les peuples vont commencer à dire, voix d'un Dieu, voix d'un Dieu. Va dire, Dieu, le peuple, l'appelait Dieu. La, je suis un Dieu. La Bible déclare à l'instant, un ange du Seigneur le frappa et il mourut. Or, maintenant, lisez l'histoire de ce même Hérode. L'histoire raconte qu'il est mort de suite des crises cardiaques, des navrismes et autres. Mais la Bible raconte que c'est un ange du Seigneur qui l'a frappé. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Il dit, nous sommes dans l'Acte des Apôtres, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Jésus est mort, c'était allé au ciel. Et on a déjà écrit que le mort a tué sur la personne du malin. Jusqu'à là, Dieu intervient pour frapper un roi de la terre. Pour lui dire quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc même quand quelqu'un, un président, est contrôlé par Satan, il n'en demeure pas moins qu'il est dans la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi toute autorité elle vient de lui. C'est ses frères. Il dit, Hérode s'est assis là-bas sur, le, sur son trône. Les gens ont le pouvoir d'un Dieu. On lui dit que c'est un être humain. Il a gonflé les épaules. Allons là-bas. Vous regardez comme un marabout comme ça. Ah, ah chapitre 12. Ah. Je parle vous froisser le visage comme c'était moi qui avais écrit ça, frère. Acte chapitre 12. Pendant ce temps, notez aussi Acte chapitre 13, verset 1 à 3. Parce que nous parlons de la direction de Dieu dans nos vies. Acte chapitre 12. Vous y êtes? Acte chapitre 12. Ceux qui ont mon livre, ça se trouve dans la page 11 09. Acte chapitre 12, les versets 20 et suivants. Regardez. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambellan, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et au nom d'un, et nom d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Donc, il dit, c'est terrible. Les rois de la terre meurent comme ça, parce que d'autres personnes sont, ont pris le titre de Dieu. Est-ce que c'est ici? Remarquez, c'est parce qu'on ne savait pas l'histoire de votre pays. Remarquez bien, les attributs du chef de l'État de la Constitution, ça a changé. Parce que les hommes de Dieu sont allés lui dire, fais attention, Dieu t'a averti. Parce que l'un des attributs, le président de ce pays, c'était chef suprême des forces armées. Mais c'est le titre du Seigneur. On a lui dit, il a enlevé ça. Parce que je suis le chef des armées. On a dit, ok, ce serait mieux pour Dieu. Ah, j'ai parlé, mais il y a un militaire ici au milieu. C'est ça, non, mon capitaine. Voilà. Il n'est plus le chef suprême des forces armées, il est le chef des forces armées maintenant. C'est terrible. Parce que le chef suprême des forces armées, il accepte ce titre-là, Dieu va le frapper. Qui est-tu pour prendre le titre du Seigneur? Parce que quelqu'un s'assoit sur son trône, comme il a revêtu des habits royaux, on dit que voix d'un Dieu. Oui, je suis un Dieu. Prosternez-vous devant moi, tu parles. Mais là, je veux seulement vous regarder quelque chose pour que vous voyez. Dans le monde, la science va toujours trouver la cause de la mort. Mais la Bible déclare que c'est un ange du Seigneur qui l'a frappé. Il est mort rangé des vers. On a dit que rupture d'alévrisme. Il est mort dessus d'un infarctus. Ça veut dire les bons morts des responsables. Les grands de ce monde se meurent bien des bons morts. Quelqu'un dit infarctus. Vous nous suivez, mais on va dire que c'est le macabre qui nous a étouffés. Vous voyez qu'on est mort noyé là-bas. Ça va là, nos morts. Pour eux, c'est les crises cardiaques. Insuffisance rénale. Son rein est allé où ça, c'est fini. Et c'est Dieu qui en a les frappés. Donc, c'est pour montrer ici encore, dans cet exode, acte chapitre 12, que Dieu a la main dans la direction de toutes les vies. Que Dieu est attentif à toutes les vies. Comme il n'a pas fait ça, Dieu a frappé. Vous savez, c'est ça, frère. Rentrons dans notre livre. Lamentation. Donc le verset 38 disait, j'espère que vous n'avez pas fermé, frère, parce qu'on a ouvert Exode chapitre 2. Je vous ai demandé d'ouvrir Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Lamentation chapitre 3, j'ai lu jusqu'au verset 38. Donc, je vous suis comme ça là, je vous embrouille. Alors que normalement, s'il y a une personne qui doit s'embrouiller, c'est moi. Donc le verset 39 dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Verset 40 enfin, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Donc, au lieu de passer ton temps à dire que qu'est-ce qui m'arrive, médite sur les choses que tu as faites qui peuvent t'amener dans ces choses. Souvenez-vous de ceci. La souffrance peut être cause de ton péché, comme ça peut être la volonté parfaite du Seigneur. Lorsque tu sais très bien qu'après avoir examiné au mieux de ta conscience, il n'y a pas quelque chose qui t'incrimine devant le Seigneur, dis seulement, Seigneur, je reste en silence, j'attends ton secours. C'est ce que la Bible nous dit. D'accord? Allons-y dans notre livre d'Exode à l'homme. Aujourd'hui, je vous ai donné Psaume 73, n'est-ce pas? Et Psaume 49. Que Dieu vous bénisse. Amen. On n'a pas encore parcouru la moitié des versets. On n'a pas encore parcouru. On y va. Dans Exode chapitre 2, les versets 1 à 10, on parle de la naissance de Moïse et la façon dont il s'est conduit. On est d'accord? Je peux avancer, frère? Donc, dans Exode chapitre 10, regardez. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Parce que l'enfant est beau. Plus que quel enfant. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joncs qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Quelle direction du Seigneur! Une fois de plus, on voit Dieu à l'œuvre. Mettons-nous donc dans cette circonstance. À un moment donné, Satan sait exactement que le moment où la prophétie doit s'accomplir, parce que c'est dans les étoiles que ça se passe. C'est dans les étoiles que ça se lit. Satan connaît les signes des temps. Il connaît exactement qu'à cette période-ci, le juge et le législateur doivent naître. Alors, il ne connaît pas exactement où ça doit se retrouver. Il sait très bien que c'est un ministère qui est réservé aux hommes. Alors, il sort la loi, détruisez tous les enfants qui vont naître des garçons. Parce que c'est qu'en détruisant, forcément, on va le trouver parmi. Souvenez-vous, quand Dieu a prévu quelque chose, ça va seulement arriver. Maintenant, Pharaon, quoi? Satan a son empire. Son empire est couronné par son roi qu'on appelle Pharaon. C'est curieusement le dieu de Pharaon qui veut détruire l'enfant. C'est curieusement là-bas qu'il va être élevé. Quelqu'un dit la direction de Dieu. C'est pour ça que dans ce Proverbe chapitre 16, le verset 7, il dit que lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose même favorablement ses propres ennemis à le servir. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, prenons chose. Moïse est accouché. Quand il est accouché, la Bible déclare que quand la mère vit que Moïse était beau, il l'a caché. Que comme on a dit qu'on tue les enfants, je ne tue pas cet enfant. Vous savez très bien que la Bible nous a dit quelque part que Dieu avait dit à la femme de ne pas tuer l'enfant, non? On va avancer dans ces proverbes, dans ces exodes là-bas maintenant. Écoutez, alors il cache l'enfant. Il dit que ne pouvons plus cacher parce que de toute façon, ça va se connaître qu'il y a un enfant ici. Il a mis l'enfant dans une caisse, mettre le poids, vous savez, comme le poids, le poivre blanc, parce que ça étouffe. Vous savez, dans les roseaux, là, il y avait les crocodiles, les autres là-bas. Avec ces choses qui étouffent, là, il ne peut pas approcher les narines là-bas. Donc, il a dit, on a des bitumes et des poids. Si vous comprenez, c'est-à-dire qu'on met dans une caisse, on met un produit que quand le crocodile tend son nez là-bas, ça étouffe. Il rentre. C'est là, à l'intérieur, ce qui étouffe qu'on met l'enfant. Et comme par, quelqu'un dit, comme par hasard, c'est à cette heure-là que la fille du pharaon descend pour se laver. Donc, ça atteint que ce moment-là, et dans tout le fleuve, la caisse voit seulement la route où il se trouve pour aller se passer là-bas. Quelqu'un dit Dieu conduisant toutes choses. Dieu conduisant toutes choses. Est-ce que c'est ici? Elle envoie la femme, la servante, qui va me prendre la caisse là-bas. Quelles sont les probabilités que ce soit une coïncidence? C'est nul. Pas vrai? Dieu est à l'œuvre. Et pendant que ça ne fait comme ça, l'enfant, la grande soeur Myriam, est en train de suivre la caisse pour voir où ça va partir. Et quand elle arrive, regardez comment l'enfant parle. Un enfant parle avec intelligence. C'est pas Dieu qui est derrière, frère. Comme c'est un enfant là-bas, tu veux qu'il va chercher une femme parmi les Hébreux qui va adresser l'enfant. Il dit oui, va chercher. Il allait chercher la mère de l'enfant. Maintenant, la mère de l'enfant, c'est l'enfant qu'on devait tuer, élever son propre enfant, étant protégé par Pharaon, et on le payait pour ça. Quelqu'un dit, tu suceras relais des nations. On l'a payé parce qu'elle avait désobéi. On l'a payé parce qu'elle avait son propre enfant. Alléluia. La direction de Dieu dans nos vies. Si nous comprenons ces choses élémentaires, nous ne rions pas. Les gens te quittent, tu restes tranquille. Les gens t'insultent, tu restes tranquille. Les gens te bénissent, tu restes tranquille. Chacun vient sur toi et prend sa part qui était destinée. Il y a des gens qui sont censés être destinés. Il y a des gens que tu vas lui faire du bien, il va venir injecter, laver comme ça, bien. Tu vas rester comme ça, te regarder du pied jusqu'à tête. Qu'est-ce qu'il a fait au-dessus? Tu n'as rien fait. C'est dans l'ordre des choses. Comment quelqu'un peut se tenir devant Jésus et dire que je l'ai entendu dire qu'il va détruire ce temple-ci? Jésus qui l'aurait observé, Wanda, c'est moi celui qui gassé. J'ai dit ça quand? Mais ne dis rien. La Bible déclare qu'il n'a point ouvert la bouche. Vois-tu tout ce qu'on t'accuse? Tu ne dis rien pour te défendre? Tu restes tranquille. Pharaon, Pilate dit que merde. Ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir? Écoutez la main, écoutez la direction encore du Seigneur. Sans nécessité que je vais sortir. Ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir pour te livrer? Le pouvoir pour te délivrer aujourd'hui? Jésus a dit. Il te sera fait. Donc, même si tu fais ça souvent, aujourd'hui, là, c'est décidé en haut là-bas que tu ne peux faire rien que de me livrer. C'est pas ce qui est écrit, frère. Donc, Pilate croyait que il pouvait faire n'importe quoi. Jésus a dit que, en fait, c'est arrêté en haut que tu es censé faire. Pas vrai, frère? Lorsque Pierre se tient dans le Nouveau Testament, chapitre 2, souvenez-vous, cet enfant, elle a le bic, elle peut avaler quelque chose. Lorsque cet enfant se tient devant les Juifs, il dit, en effet, souvenez-vous dans ce chapitre 4, lorsqu'ils ont prié, il dit que c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi le peuple, en citant Psaume chapitre 2. Il dit, en effet, dans cette ville, Pilate et Hérode ont fait ce que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance. Donc Dieu avait décidé que quelqu'un se naîtra, on l'appellera Pilate. Et des collaborations avec un homme, qu'on nommera Hérode. Quand Pilate naît, on dit à son père que son nom c'est qui? Il dit son nom sera Pilate. Et il ne sait pas que, en fait, de toute façon, il a choisi le nom qu'il va choisir. Quand le père de Judas, vous savez que le père de Judas Iscariote s'appelait Simon. Quand son père dit que l'enfant c'est beau, l'enfant dit que oui, oui, moi, moi. C'est le fils de perdition là-bas. Alléluia. Lisez Psaume 69 et Psaume 100 combien là. Regardez ce qui est écrit de lui. On dit clairement que même s'il prie, que sa prière passe pour le péché. Donc, ça veut dire que Judas a intérêt à ne pas prier. C'est pour ça que sa repentance, même sur le péché. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un dit encore Dieu faisant toutes choses. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Si on comprend ces choses-ci, les murmures vont cesser. Il dit que ça va changer la façon de prier. Parce que quel que soit ce qui arrive dans nos vies, c'est prévu par Dieu. D'accord, mes frères? On peut avancer. Donc, cet enfant, s'il va voir sa mère, il dit que va là-bas. La mère était employée à élever son enfant, on la paye. Quand l'enfant grandit, on la met là-bas. Il marquait bien, la Bible déclare que quand Pharaon a vu, la femme de fille de Pharaon a vu Moïse, il a eu pitié. Qu'est-ce que a fait qu'un sataniste ait pitié d'un enfant de Dieu? Pourquoi les autres enfants vont mourir? Remarquez encore la même similitude quand Jésus-Christ va naître. Notre Seigneur, quand il va naître, n'est-ce pas? Vous me cessez. Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 2. Les rois mages. Après que les rois mages aient trompé Hérode, les rois mages. Tu parles. Donc quand les mages sont venus donner le truc, après la Bible déclare qu'ils avaient été divinement avertis par le Seigneur de prendre un autre chemin. N'est-ce pas? Quand ils ont pris l'autre chemin, la Bible déclare que Hérode, c'est le tétrangle là. Voyant qu'ils avaient été déjoués, ils sont descendus. Après avoir pris les renseignements clairs, que depuis qu'on est dans l'étoile, on est que 2 ans, il a dit ok, décret. Tuer là-bas des enfants de 2 ans en descendant. Il était sûr qu'en tuant comme ça là, parmi tous les enfants qu'on va tuer, le Messie sera parmi. Écoutez très bien. Écoutez encore très bien. Dieu dépêche un ange du ciel que va sur la terre. Il descend sur la terre. Il dit Joseph. Écoutez très bien. Le décret est sorti. On va tuer tout le voisinage. Dieu entre au milieu et dit que lève-toi. Prends ta femme et l'enfant. Va en Égypte jusqu'à ce que je vienne te dire que rentre. Il fait comme ça, il rentre au ciel. Le lendemain, on fait un grand waouh. Toutes les femmes qui pleurent là, Dieu ne savait-il pas? En fait, Dieu a même prévu les pleurs. Parce que dans Jérémie, il avait écrit Rachel pleure ses enfants. Et elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc Dieu a prévu les enfants qui devaient naître et être tués à ce temps-là devaient être là. Les enfants qui devaient être nés et être tués devraient être à ce moment-là. Quelqu'un dit Dieu a prévu toutes choses. Si tu dis dans quel monde on vit, sois alors de là. Ce n'est pas toi qui as décidé le moment que tu vas venir. Dieu a prévu chaque génération. Tu ne devais provenir que dans cette génération. Parce que si tu venais, si tu fais vague, tu vas tomber dans l'autre génération, tu seras déphasé. D'abord, tu n'as même pas le pouvoir pour le faire. Donc Dieu t'a prévu. Ta famille, ta taille, la couleur de tes yeux, le niveau d'éducation que tu vas te limiter, les gens que tu vas rencontrer, les difficultés que tu vas avoir, les maladies, les difficultés, les pleurs que tu fais. Tout, Dieu a prévu. Tout. Tout, Dieu a prévu. Alors, quelle est la réaction de quelqu'un qui comprend ces choses-ci? C'est se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Humiliez-vous sous la main du Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous et il vous élèvera. Donc, la voie de montée, c'est la voie de l'humiliation. Donc, la voie devant Dieu pour monter, c'est la descente. La voie de descente devant Dieu, c'est monter. Donc, tu es tenté de monter seul, il te rabaisse. Tu te rabaisses, lui, il te monte. C'est la voie du Seigneur. On peut avancer? Amen. Psaume 73. Et vous allez remarquer dans le chapitre 1 de ces mêmes. Vous y êtes. Dans le chapitre 1 de ces Exodes, avant qu'on ne se quitte, j'ai dit quel livre là, Psaume 73, c'est ça? Donc, dans le livre des Exodes, qu'on a dit au chapitre 1, vous allez remarquer quand l'ordre de Pharaon va sortir comme tuer des nouveaux-nés. La Bible déclare que les sages femmes des Hébreux ont désobéi à la loi de Pharaon. Et à cause de ça, Dieu les a bénis. Bénis toutes leurs maisons. Il y a les docteurs au quartier aujourd'hui qui leur spécialité, c'est pour enlever les femmes, les enfants dans le ventre des femmes. Et vous pensez que si Dieu a béni l'autre maison là, qu'est-ce qu'il va faire pour eux? Frère, c'est pas. Allume là-bas devant. C'est ça. C'est toi, frère. Bon, c'est allumé. Psaume 73. Permettez-moi de trouver, s'il vous plaît. Psaume 73. Je vous ai donné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Puis le psaume 49. Notez aussi le psaume 32, le verset 8. Ok. Donc, je vais lire le psaume 73. On y va? C'est le prophète Asaph qui a écrit ceci. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur, Dieu est bon. Pour ceux qui ont le cœur pur. Vous y êtes? Vous y êtes? Psaume 73. On y va? Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Après, il dit, toutefois. Donc, regardez. Asaph revenait comme ça de la marche vers la chute. Il revenait. Et c'est là où la révélation s'est venue. Il revenait, il a écrit ceci. Il dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Ouais, donc il revenait de quelque part. Pourquoi son pied allait fléchir? Souvenez-vous, ce sont des prophètes. Et je vous cite encore, le livre de Jacques nous dit qu'on garde à l'esprit la façon dont les prophètes qui ont prophétisé ont marché. Et qu'on imite leur foi. Ça veut dire que les erreurs que Dieu a permis dans la vie des personnages de la Bible sont là afin que nous ne faisons pas cette erreur. Les erreurs. L'adultère que David a commis, c'était pour que nous ne commettions pas l'adultère. La multiplicité des femmes que Salomon a eues pour avoir la soif des femmes et l'autre a été faite afin que nous n'ayons pas de femmes, plusieurs femmes. Parce qu'il a rien cherché ce que nous pouvons chercher. Dieu a utilisé son cœur pour sonder les choses en les interrogeant un à un. Il n'y a plus rien à interroger, il faut seulement obéir maintenant. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, Dieu a donné au cœur de Salomon, cherche les femmes. C'est vous ça, non? Il dit, Dieu a dit à son cœur que cherche les femmes. Il a cherché les femmes, il a rendu une conclusion. Parmi toutes les 1000 femmes qu'il avait, il n'y a même pas une bonne femme parmi. Après, il conclut lui que si quelqu'un a trouvé une femme, c'est un don de l'éther. Donc, si tu as ta femme, que c'est ton don, dis à ton voisin, tu regardes quoi dehors? Quand tu as le don des dames. Dis encore à quelqu'un que quand tu as le don des dames. Tu regardes quoi dehors? Vous qui êtes marié, tourne-toi avec ta femme, dis mon don. Mon don. Mon capitaine, tu n'as pas ton don ici? Le capitaine dit que son don l'a laissé là-bas dehors. Que mon don, c'est mon don. Mais de toute façon, c'est ton don. Parce qu'on n'a pas dit que le don, c'est la condition qui te laisse entrer. Pas vrai? La Bible dit que c'est son don. Le don du capitaine, pourquoi tu l'as aussi laissé dehors? Alléluia. Mm-hmm. Là, c'est son don. C'est son Seigneur. Mais ça va aller, d'accord? Alors, regardez bien, il dit ici que toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Donc, je dis que ce glissement, c'est que Hassan a eu, Dieu l'a conduit jusque là pour qu'il voit quelque chose pour écrire, pour nous avertir. C'est pourquoi c'est écrit, d'accord? Il dit, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Donc, Hassan est resté comme tout le monde nous voit aujourd'hui. Il sait Dieu normalement. Les choses semblent aller mal pour lui, alors que les gens qui ne servent pas Dieu, ils réussissent. Il a dit qu'il voulait donc porter envie à ceux-là. Il a avancé, avancé, avancé jusqu'à un moment donné. Dieu a dit que, regarde, observez, regardez la suite. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Vous avez vu? Et leur corps est changé d'un bon point. Tu vois le gars est frais. Tu sais, Dieu, tu jeûnes. Satan dit que tu vas voir même le tapioca, tu ne verras pas. Donc, que tu as appelé le tapioca ton sauveur, non? Qui te sauve, on voit. Tu vas voir ça comme ça, le ngali, même le ngali, tu n'auras pas. Ce que c'est ici. Frère, comprenant ces choses, voici le pourquoi le milieu chrétien doit être le milieu où l'amour s'exerce. Parce que tu l'admets ou non, les frères, les uns et les autres souffrent. On ne doit pas lâcher de manifester l'amour les uns envers les autres. Parce qu'on ne s'attendra pas à ce que le chrétien va à l'extérieur pour chercher de l'aide. Est-ce que vous comprenez? Ça ne glorifie pas le nom de notre Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons venir en aide les uns les autres. Parce que les mêmes épreuves, souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 10. Car les mêmes épreuves sont imposées à vos frères dans le monde entier. C'est ce que la Bible déclare. Que ce que tu traverses là, les chrétiens traversent ça quelque part. Voilà pourquoi nous devons être solidaires. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, l'apôtre, le prophète Hassan a vu comment les gens qui sont les méchants, ils cherchent dans le bon point. Il voit comment les gars vivent bien, mais ils sont frais jusqu'à, ils meurent. Il a dit que wonderful. Les gars, c'est qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un dit la séduction. Ok, regardez. Gardez à l'esprit, notez Proverbe chapitre 16, verset 4. Après ceci, on lit directement ça. Proverbe chapitre 16, verset 4. D'accord? Regardez. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Pendant que vous cherchez, on dit qu'on a coupé l'eau. Quelqu'un boit et se lave avec l'eau tangée. L'eau minérale. Tu as chaud jusqu'à quelqu'un a un robinet, quand il appuie, ça sort. Quand il fait froid, il appuie, ça sort la chaleur. Il vole le courant. Il négocie. Les gens de la sonnette viennent à la maison, ils donnent 500 000. Il dit qu'on a metté la fitante là, que la fitante a consommé 5 000. Il vole. Il s'en fout de Dieu. Or, toutes ces choses, Dieu va amener en jugement. Il a la climatisation jusqu'à la cuisine. Il appuie, je vous dis, j'entre dans les maisons. Il appuie partout quand il prépare, il prépare avec le courant. Il a les réchauds qui se passent dans le sol. Il appuie, c'est les plaques chauffantes. On branche le courant et vous savez comment ça fait courir le compteur. Mais la quittance vient 10 000 francs. Alors qu'il y a peut-être 14 pièces dans tous les pièces de la climatisation. Tu vois comment quelqu'un vit, quand il sort à l'intérieur, il est frais. En banque, là où il travaille, il vole de l'argent. Entre temps, il est secteur quelque part. Il sort comme ça là. Il dit quand, t'as joué en deux dans rond. Il envoie le gardien, il dit qu'il va lui dire c'est quoi. Il suis venu prêcher l'évangile. Il dit qu'il va prendre le reste de la nourriture qu'il va lui donner, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est le méchant qui dit comme ça. Toi qui sais Dieu, tu n'as rien à manger. Amen. Que peut-être tu as son troisième jour de jeûne. Pendant que tu viens de parler comme ça, si le chien fait ouh, tu n'as même pas la force pour courir. La Bible déclare qu'ils sont chargés d'un bon point. Donc quand tu le vois, tu sens que sa vie dose. Amen. Voilà. Verset 6. Aussi, leur gueule laisse de coller. Vous avez vu, non? Leur gueule, tu peux même faire quoi? Regarde le grand pauvre type. Regarde ta babouche. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Vous avez vu? Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne vers leur côté. Je crois qu'il y a un problème ici. Mettez entre parenthèses le son là. Et mettez T-O-N au-dessus. Donc, à ça, on a donné un compte rendu. Il a dit que voilà pourquoi ton peuple se tourne à l'œuvre. C'est-à-dire que quand le peuple de Dieu veut se tourner vers eux. Vous savez, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que vous effacez le son. Et que vous mettez seulement au-dessus maintenant avec le ton. D'accord? Donc, n'effacez pas cela. Donc, il dit, verset 10, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ça ne donne pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ton peuple, le peuple de Dieu, se tourne de leur côté, le côté des méchants. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Ils font n'importe comment, ils frappent. Ils détournent la douane. Ils font le whisky, ils déclarent les impôts, ils déclarent. Ils falsifient les quittances, ils falsifient la patence. Ils font ça, ils accroissent. Leur richesse, vous voyez, ils ont les maisons partout, partout. Comment il a fait pour enrichir? D'autres, il y a l'exonération, ils l'imposent en disant que c'est l'alcool pour les médicaments, parce que les médicaments, les alcools, c'est exonéré. Il a fait, après, il détourne cela, il fait le whisky, il vend. Une bouteille de 45 000, alors qu'il n'a pas payé de taxes. Comment il ne va pas s'enrichir? Est-ce que vous comprenez? Il dit, ils accroissent leur richesse. Verset 12. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est là où le prophète commence à te poser la question. Comment? C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je serai la race de tes enfants. Donc, les enfants du Seigneur ne parlent pas comme les méchants. Ils ne se comportent pas comme les méchants. Donc, si le prophète lui-même veut sortir pour aller faire comme ça, c'est la traîtrise. En fait, de toute façon, essaie seulement de faire. Dieu va te frapper, tu vas seulement revenir dans les rangs. Tu vas d'abord souffrir davantage la violence pour rentrer dans les rangs, pour continuer à souffrir là où tu étais. Pas qu'il te frappe comme ça pour que tu sois restauré. Tu te restaures pour prendre les rangs de la souffrance. Pas que tu prends le rang d'un bon point. Alléluia. Donc, tu dis que non. Si c'est fourni maintenant, je pourrais aller à l'étranger, je couse une blanche, j'ai de l'argent, et puis je détourne mes 1 000 millions, je rentre au pays, je me marie. Pas vrai? Ça, c'est ton plan. Laisse, il te laisse, tu pars. Alors, tu pars maintenant, il te laisse, tu pars en prison, tu sors, tu n'as même pas 5 francs, tu retournes ici, tu dis que frère, je me repens. Tu repens, tu prends le rang maintenant des misérables. Maintenant, ton CV, même dans la douane, ton nom est affiché partout, là, partout, maintenant, comme un voleur. Tu ne peux plus aller. Tu es obligé de rester du côté de Dieu et souffrir ta souffrance doucement. Amen. Dis à ton voisin, combat le bon combat de la foi. Donc, regardez bien. Il dit que si il voulait parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. Donc, en réalité, frère, normalement, les choses se devraient pousser à la réflexion. Dans Proverbes chapitre 22, verset 17 en descendant, la Bible déclare que n'ai-je pas déjà mis par écrit tout pour toi, ce qui est nécessaire pour toi, pour ton enseignement. Donc Dieu a déjà mis ça par écrit. Voilà pourquoi il dit, toutes ces choses sont arrivées, mis par écrit, pour que nous accomplissions seulement. Il dit que quand il a réfléchi là-dessus, ça a été difficile pour lui. Il a dit que comment se fait-il que je sais Dieu qui répond aux prières? Je prie, aucune voix ne parle. J'ai réfléchi comment il avait réussi, je dépose mon dossier, on ne me prend pas. Je fais comme ça, ça ne marche pas. Quelqu'un va là-bas, on dit que baisse-toi, prends le savon. Il se baisse, prends le savon, on lui donne l'emploi. Je ne peux pas faire cela. Est-ce que vous comprenez l'homosexualité? Pour que tu sois un emploi, il faut que tu sois parrainé, il faut qu'on te recommande. Tu vas, tu vas. On peut pour toi, tu pars, tu joues, tu dis que par la foi, il sera à terre et non à la queue. Fini de réciter, tu pars là-bas, on te prend, on voit. Le franc-maçon crée son emploi, il reste là-bas. Les enfants des francs-maçons viennent, les enfants des satanistes viennent, parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu dis que je suis l'enfant de Dieu, je passe la tête et non la queue. Seigneur, je mets ton sang sur le dossier ici. Tu as pris le sang de Jésus où? Ça se trouve en haut. Que je mets le sang sur le dossier ici. Tu parles. Quelqu'un dit les égrégores. Quand les satanistes prennent le dossier, tu es l'enfant de Dieu. Comme tu as écrit, il met la main sur ça, il sait si celui-ci appartient à leur goût ou pas. Quand il met la main sur le dossier, il rejette ça. Que on vous avait dit sur la tête, c'est pour nous, pour le moment. Avant qu'on ne parle en enfer, vous allez nous voir ici. Nous sommes sûrs que vous allez bien sentir de l'autre côté. Mais pas pour vous ici. Donc on va s'assurer que vous ne mangez pas bien ici. Alors si on comprend cela, notre regard doit être fixé de l'autre côté. D'accord? Et attendre donc du Seigneur pour qu'il le porte quand il le veut. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit, quand j'ai verset 16, non. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et comment je sais Dieu, ça ne réussit pas? Comment je peux prier pour quelqu'un qui est malade? Il dit, moi j'ai la maladie sur moi, il prie, Dieu ne me répond même pas. Et vous parlez des choses, vous ne savez pas. Imaginez que je me tiens à la maison sans lire la Bible, je demande quelque chose à Dieu, je dis Seigneur. Donc je suis à la maison sans prier comme ça, tu t'assois comme ça. Seigneur, tu cherches la direction pour telle chose. Il donne la vision d'une autre personne qui n'a rien à voir. Il dit, je suis assis comme ça. Le jour là, il y avait, il ne sait pas qui était là. Il ne sait pas si c'est la sœur Aline qui était là. Maman soeur était là. Il ne sait pas quelle soeur était là. Il y a une femme qu'on appelle la soeur Martine. Elle était là, elle entrait et sortait. J'étais assis au salon en train de lire. Subitement, la vision est venue. J'ai prié pour autre chose. La vision est venue. Je me tourne comme ça et regarde. Il dit, mais où est la soeur Martine? Elle est là partie. Il dit, non. Dans la vision, il dit que ça la concerne. Il dit, elle est où? Elle sort de la chambre. Il dit, soeur Martine, j'ai vu quelqu'un, une femme, en route. Pendant que j'en ai parlé, maintenant, je vois la même vision. Elle est assise avec le. C'était un truc jaune comme ça, là, avec le gandoura comme ça sur elle. Elle pleurait au pied d'un monsieur. Cette femme se trouve à Yaoundé. Elle te concerne. Elle est restée debout comme ça devant les gens, là, comme ça, mais regardez comme un marabout. Si même vous voulez imaginer, vous ne pouvez pas imaginer ce qui pourrait lui arriver. Parce qu'en réalité, même elle avait oublié cette cousine-là. Elle est partie, elle a dit que. Elle m'a regardé comme ça là. Elle dit quoi, elle peut pas, elle est partie. Quand elle est partie, elle est arrivée à la maison, on l'a appelée qu'il y a une cousine qui a Yaoundé qui a perdu son enfant. Sa cousine à Yaoundé. Oh, ce n'est pas pour elle que je suis en train de prier. Donc vous restez là, vous priez pour vous. Dis Seigneur, par rapport à tes situations, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dieu te montre en vision que le frère Ferrand va s'éteindre, il est en train de passer. Prie pour lui. Il n'a pas écouté ce que tu as fait. Hein? Il a écouté ta prière. Ouais, Seigneur, je voudrais sortir pour aller à tel endroit. Est-ce ta volonté? Il dit, tu as vu cette soeur-ci, intercède pour elle. Il ne te parle pas, c'est que tu as demandé. Il dit qu'il a réfléchi sur ça, la difficulté a été grande. Quand tu comprends ces choses-là, quand Dieu ne répond pas, il a répondu. Ça veut dire que la réponse est en train de suivre, il a des travaux pour la réponse. Vous savez, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dû prier trois fois pour que Dieu lui réponde que ma grâce te suffit. Est-ce que vous me saisissez? Il passe comme ça, le nom des gens grillés, comme ça. Après, il imagine qu'il va faire le mouchoir comme ça, la main comme ça, que sort. Le gars dit que bon, tu blagues. Il sort pour aller au ciel. Il m'a mis ici. Donc, il parle pas. Alors, le même mouchoir qu'on va faire comme ça, là, il va aller mettre sur quelqu'un comme ça. Ah, je sors. Il dit que mince. On m'a dit que le mouchoir qu'on met sur mon corps, l'argent, les gens, je vais les traiter. Maintenant, il rentre à la maison comme ça. C'est l'apôtre Paul, hein. Il rentre comme ça, là. Sors! Il dit que je ne sors pas, mon ami. Il dit trois fois, il dit au Seigneur, il veut chasser moi. Le Seigneur dit jamais. Ma grâce te suffit. Donc, comment se fait-il que il prie pour quelqu'un guérit, lui, là, la chape dans sa chair. Et il prie, Dieu dit que laisse ça. Ma volonté, c'est que ça reste là-bas. Il dit qu'un ange de Satan, il m'a soufflé. Il est pour me gifler. Pourquoi il m'a envoyé quoi? Dieu l'a permis. Est-ce que vous savez ici? Alors, regardez ici. Asaph dit quelque chose maintenant. Après, il dit, regardez. La difficulté fut grande, verset 17, jusqu'à ce que juste pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Donc, tant que quelqu'un n'est pas entré dans la révélation des mystères du Seigneur, il ne peut pas comprendre pourquoi les chrétiens passent par les difficultés. Pourquoi les gens que Dieu aime passent par les difficultés. En fait, en ce temps, si on a enseigné aux chrétiens que nous servons un grand Dieu, comme si c'est en ce moment c'est que Dieu est devenu grand. Comme si Dieu est seulement grand en notre siècle. Comme si au temps des Job, Dieu n'était pas grand. Comme si au temps des Anne qu'on a lu aujourd'hui, Dieu n'était pas grand. Comme si au temps de Jean-Baptiste et d'Élisabeth, Dieu n'était pas grand. N'est-il pas Dieu depuis l'éternité? Donc pourquoi c'est en ce temps-ci qu'on commence à donner les philosophies que Dieu est un grand Dieu? Il faut qu'on lui construise un grand palais. Donc, le plus grand des palais qu'on peut construire sur la terre, c'est, et la terre dit que le ciel de Dieu peut le contenir. Donc c'est ton grand palais, c'est ta grandeur de Dieu là-bas. Quel style d'or que tu peux construire à Dieu? Quel style de trône que tu peux construire à Dieu? Lorsqu'on dit qu'il habite que sur les chérubins, qu'il marche sur les chérubins. Un frère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelle que soit la grandeur que l'homme va donner à Dieu ici, ça sera davantage petit. Parce que c'est l'homme qui l'a limité. L'homme est limité, il ne peut pas donner l'expression de la grandeur de Dieu. L'homme étant limité, il ne peut pas donner l'expression de la grandeur de Dieu. Où c'est ses frères? Donc, voici les chrétiens d'aujourd'hui qu'on a enseigné. C'est que les pasteurs ont enseigné aux gens. Dieu, notre Dieu, est un grand Dieu. Dieu nous a appelés à réussir. L'échec n'est pas prévu dans le plan de Dieu. L'échec n'est pas prévu dans son plan. Hein? C'est Job, chapitre 32. Finissons ici rapidement avant d'aller dans ce Job-là. Regardez. Il dit que jusqu'à ce que juste pénétrer dans les sanctuaires de Dieu et que juste pris garde au sort final des méchants. Donc, Asaph nous a dit que lorsqu'il a vu comment le méchant faisait, quand il faisait, il réussissait, n'est-ce pas? Entre-temps, voici le chrétien ici. Notez Malachie, chapitre 3, verset 13, 11 à 13. Vous avez noté? Notez. Donc, voici Malachie, chapitre 3. D'accord? Le verset 11 à 13. Regardez, voici le méchant ici. Le méchant en train de marcher. On y va. Le méchant en train de marcher, il fait des mauvaises choses. Sa voie réussit, il avance. Le chrétien fait n'importe comment. Il vend les arachides. Le méchant est à côté de lui. Le méchant va avec les comprimés. Vous savez, avec les écorces, ça réussit. Le chrétien prie, il brise les ténèbres. Il veut s'asseoir devant les arachides. Il mange les arachides jusqu'à ce que ça finisse. Personne n'achète. Il rentre à la maison avec le reste. Il se fâche, il prie, il dit ton nom est la solution. Il ouvre les yeux, quoi que la mamie va se remplir, la mamie ne remplit pas. Les larmes coulent, larmes de joie. Après, il dort, Seigneur. Le lendemain, il part là-bas, le monde est réussi. On avance. Après, vient de ces jours que le monde a construit un grand kiosque. Il est toujours avec ses petits arachides dehors. Le monde est emballé, la santé entassée sous ses comptoirs. Après, un de ces jours, c'est les contenus qui commencent à venir laisser les choses du monde. Il est toujours là comme ça. Il réussissait avec les voix détournées. Il dit que quand il a réfléchi sur ça, que merde, comment les gars ils font pour réussir? Il dit, la difficulté fut grande jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et qu'il eût pris garde à la fin finale des méchants. Donc quand Dieu l'a amené dans la révélation, que observe, tu vois comment il progresse? Tu vois comment il progresse? Regarde la fin. Quand Asa a vu comme ça, vroom, il dit, Seigneur, je me contente de mes difficultés. Parce qu'il a vu là où ça mène. Proverbe chapitre 16, verset 4, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il écrit? Dans ce Proverbe chapitre 16, le verset 4, la Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. Un pasteur. Même le méchant pour... Vous avez compris, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Dieu dirigeant toutes choses. Donc, la Bible déclare donc que Dieu a tout fait pour un but. Donc, il n'y a rien qui n'a pas de but. Même le méchant, le fait qu'il soit méchant là, Dieu l'a fait comme ça pour le jour du malheur. C'est ça. Donc, Dieu a chaque paume de main, chaque atome, chaque battement des cils, chaque décision, chaque parole des êtres humains entre ses mains. Est-ce que c'est ça, frère? On peut avancer? Avant de dire Proverbe chapitre 16, verset 4, j'ai dit quel livre? Job. Job, c'est juste avant les psaumes. Là. Il veut revenir au chapitre 35, lire les versets 13 et suivants avant d'avoir au chapitre 36. Donc je vais revenir dans le chapitre 35 parce que je suis tombé devant un verset qui est devant moi qui m'amuse. Je vais lire pour que vous suivez aussi avec moi. Puis aller au chapitre 36, d'accord? Regardez le chapitre 35, verset 13 et suivant. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Donc quand tu pries, tu dis, ouais, Dieu entend me prier, tu entends, oui. Ta cause est arrivée là-bas devant toi, c'est devant lui. Ton dossier André est à l'étude. Vous entendez ça? Hein? Il dit que attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu du souci du crime. C'est-à-dire que quand on fait le mal sur la terre, il ne réagit pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au courant. Quand on tue les gens, vous entendez qu'on a tué 100 morts par ici. Voici le mois de décembre qui est arrivé, vous allez entendre les sacrifices humains qui vont avoir lieu sur la terre. Dieu connaît tout ça, c'est depuis. Boum, ici les gens meurent. Boum, ici les noyades. Boum, ici, on a fait le feu, il a fait l'erreur, c'est pas ça. Boum, ici. J'ai vu deux routes, juste aller là-bas, je crois que c'est la route, il est entré par ici. Alors que c'est la personne qui sait ce qu'il a vu. Les satanistes sont à l'œuvre. Alors, il dit que c'est pas parce que Dieu ne répond pas, il ne se vit pas encore, qu'il ne regarde pas le crime comme crime. Regardez. Ce n'est pas à dire qu'il ait peu de soucis, qu'il ait peu souci du crime. Ainsi, Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Donc, il veut dire clairement, même si tu fais n'importe quoi, même si tu fais n'importe comment, même si Dieu ne réagit pas, ces choses que tu as tes choses que tu as déclarées sont quand même devant lui. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, tous les pleurs, toutes les larmes, tous les jeûnes que tu as déjà fait, tous les sujets de prière que tu as déjà fait, c'est devant le Seigneur. C'est devant le Seigneur. Bon. Chapitre 36. On y va. Il vient de la partie du verset 15. Écoutez doucement et attentivement. Chapitre 36, verset 15 et suivant. Mais Dieu sauve le malheureux. Non, je vais arriver de la partie du verset 5 en descendant. Écoutez bien. Le verset 5 en descendant. Donc, Job, chapitre 36, verset 5 en descendant. Dieu est puissant, mais il ne rejette. Vous avez entendu? Vous êtes frère. Il est puissant par là. Je ne sais pas si je parle avec les êtres humains ici. Vous avez compris, frère? C'est ça. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Mais voici les versets curieux. Donc, pendant que tu es en train de souffrir comme ça, là, la Bible déclare que pendant que tu souffres, regarde bien. Il est en haut. Il te suivait bien. Il dit qu'il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Ah, oh, tu es en bas, monsieur. Seigneur, c'est même quoi? Ses yeux sont sur toi. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Dans ce psaume 37, il y a des cas que lorsque le juste crie, l'Éternel entend, il le détourne, il le délivre de toutes ses frayeurs. Mais il ne détourne pas, il ne le délivre pas directement. Il te délivre des frayeurs selon sa volonté. Regardez ici. Il dit, il ne détourne pas, verset 5, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il place sur le trône. Il les place sur le trône avec les rois et les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Écoutez bien, verset 8. Écoutez très bien, frère. Vient-il à tomber dans les chaînes? Vous y êtes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres. Il les avertit pour leur... Non, j'ai sauté là. Il les dénonce pour leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Donc, c'est une catégorie des êtres humains sur la terre qui sont des justes, que Dieu permet qu'ils vont s'asseoir avec les rois. Il dit que s'il arrive que l'orgueil entre dans leur vie, ils commencent à vivre dans le péché, Dieu va dénoncer leur façon de vivre. Pas vrai? Écoutez très bien, il dit, verset 9, il dénonce leurs œuvres, il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Verset 10, il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme des débouchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et, soulignez ce verset, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Vous avez entendu? C'est par la souffrance qu'il l'avertit. Amen. Voici l'une des promesses que Dieu m'avait donnée, que il y a ça et il y a un Samuel chapitre 2. Vous savez, quand vous souffrez, le seul endroit où vous pouvez trouver le refuge, je vous le dis, c'est ma façon, c'est dans la Bible. Amen. Quand vous êtes dans la souffrance, retirez-vous, lisez la Bible, vous allez voir, Dieu va donner les promesses et ça va s'accomplir, promesse après promesse. Alors, un de ces jours, je voyais ma part. Si vous voulez rire, chacun a sa part. Quand on court, chacun a son couloir, non? Okay. Mm-hmm. Je voyais ma part. Dieu m'a donné ceci. De 15 à 16, il dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Dieu sauve le malheureux dans sa misère, tu parles. Il dit, c'est pas la souffrance qu'il avait. Ok, je combats l'avertissement. Après, j'ai vu encore le souffrance. J'ai donné ça à ma femme, c'est écrit dans son agenda partout. Il dit, il te retirera. Ce verset, c'est m'a travaillé pendant des années. Il dit, il te retirera aussi de la détresse. Il dit que moi aussi, il va me retirer de la détresse. Tu parles. Parce que tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu ne vois pas d'où la détresse, comment ça peut faire pour qu'on te détienne. Il m'a dit cela. Quand je dis ça, quand tu lis le verset, frère, tu lis quand c'est pour toi. Tu entends la voix te répéter ça. Que c'est de toi qu'il est question, qui va te retirer de la détresse. J'appelle aussi ma femme, je dis que Seigneur. Le Seigneur dit qu'il va nous retirer de la détresse. Il dit que oui, frère. Il dit oui, que prions alors, oui. On prie. On n'a pas le choix que d'accepter. Amen. Parce qu'il a dit, il te retirera de la détresse. Après, regardez bien. Après, il dit, pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mains circulantes. Frère, tu fais comme ça, tu te tournes, quand tu viens lire la Bible, aux alentours de toi, il n'y a pas le sucre. Et aux alentours de toi, combien de fois j'ai passé des nuits blanches, des nuits sans manger, mais en me réjouissant de cette parole, de cette promesse. Après, il a donné encore une autre parole. Je vais, il dit que va dans un Samuel, je vais là-bas et voir. Il retire de la poussée, il retire l'indigène, c'est pour le faire asseoir le grand, avec le grand de son peuple. Il dit que tu parles, les grands de son peuple. Quels sont les grands de son peuple que vous pouvez savoir? Les présidents, les grands du peuple. Il dit qu'il va me retirer. Il dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec Paul? Le jour dont je marchais à la présidence avec ma femme, et on était à la présidence, on marchait comme ça, quand on nous a invités, on marchait comme ça, quand pour entrer à la présidence, c'est là où le verset lui venait à l'esprit, que souviens-toi de la promesse que Dieu avait donnée, qu'il va te faire marcher avec les grands de son peuple. Alors que le verset est donné, la promesse est donnée, tu regardes devant, il n'y a personne, tu regardes derrière personne, l'enveloppe vient avec son nom, monsieur, madame, tchao, on vous entend, le président sera fier de vous inviter à la cérémonie de 20 mai. Qui suis-je? Un pauvre. Et pendant que je suis en marché avec ma petite veste sur moi, vous savez ma veste qui sert là. Je marche à la présence. Vous savez, à la présence, n'importe qui est important. Parce que la veste couvre tout. Je dis seulement à ma femme que si quelqu'un savait d'où je sortais ici là. Alléluia. Oh, je prends ceci pour vous dire que les promesses de Dieu sont fidèles. Amen. Quand il te les donne. Alors, maintenant, voici l'erreur que les gens font. Lorsqu'on est traversé dans les difficultés, au lieu d'aller trouver, souvenez-vous, la Bible, Samuel dit que mon refuge est dans l'Éternel. Au lieu d'aller dans la parole pour chercher la force, comment tenir, on commence à aller chercher des relations. Chercher des relations. Quand tu fais comme ça, Dieu, souvenez-vous, les yeux de l'Éternel ne s'éloignent des justes, ne quittent pas de dessus des justes. tu dis, tu viens dans le bureau, frère, je souffre trop. Tu viens voir, il te regarde comme ça là. Écoutez très bien, le frère regarde comme ça, ouais, le frère se souffre trop. Il faut que je lui trouve l'argent. La fin du mois, il prend l'argent comme cela. Dieu regarde son enfant comme cela. Bang! Bang! La maladie. Wah! L'argent que Dieu donne au frère, il donne comme ça. Bro. Frère, il t'a donné rendez-vous l'autre jour que tu viens que frère. Mon enfant est tombé subitement malade, il a donné l'argent. C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu veut que tu passes par ces choses-là pour que tu comprennes l'endurance, la persévérance. La Bible déclare qu'il faut qu'on sache apprendre la souffrance. La patience, on passe par l'épreuve et qu'on puisse être éprouvé ainsi pour que notre foi soit épurée. D'accord? Donc, vous êtes là, Dieu vous donne la promesse, vous regardez devant, vous regardez derrière. Toutes les fois, dans notre histoire, tous les moqueries que vous avez vues qu'on a traversées, et dans mon mariage, et dans ma vie chrétienne, Dieu nous a parlé par rapport à cela. Tout. Même tout ce qui est arrivé dans le monde entier, Jésus-Christ, télévision, là, Dieu a donné les promesses par rapport à cela. Et même les personnes qui ont parlé, il y a des messages contre cela que Dieu a donné. Que c'est seulement là. Le monde va arriver, il va vous les délivrer. Chacun va prendre seulement sa part là-dedans. Prends seulement sa part. Or, c'est parce que je comprends les principes de Dieu que je peux rester dans le silence et laisser Dieu agir. Sinon, tu vas commencer à te battre contre Dieu. Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu fait tout. Peut-être pour changer un caractère en toi, pour que tu saches aimer davantage, il fait que les gens te haient. Il saigne, pourquoi je l'aime, il le hait, il dit que aime-le davantage. Quand j'étais sur la terre, tu crois que tout le monde m'aimait? Il faut que tu ressens un peu ce que je ressens. Et tu avances comme ça. Quelqu'un dit la direction de Dieu dans nos vies. Jérémie. C'est pas fini. Vous avez dit qu'on devait lire beaucoup de versets, non? Ah. Jérémie. Chapitre 10. Vous allez lire, je veux que nous lisons, ou même vous dites si c'est la même chose que vous lisez dans votre Bible. Vous avez moi, frère? Regardez, je vais lire le verset 23. Regardez avec moi attentivement. Jérémie, le chapitre 10, le verset 23. Regardez. Je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Vous avez entendu ce que le Seigneur dit, mademoiselle? Maman, tu as entendu? Écoutez très bien. Je le sais. Jérémie a eu cette compréhension-là. Il a compris comment marcher avec Dieu. Je le sais. Vous avez lu l'histoire de Jérémie ici? Quelqu'un a prophétisé. Il était enchaîné. Quand il parle d'enchaîné, ce n'est pas la chaîne qui l'a porté dans la prison. Il était enchaîné par Dieu à dire la vérité. Il allait passer la prison. La barbe a poussé jusqu'à ce qu'on l'a mis dans une profondeur avec la boule. Il y a un point d'eau. Jusqu'à ce que quelqu'un allait pleurer contre le roi. Sinon, Jérémie va mourir là-bas. On l'a enlevé, le laissé dans la cour. Il marchait là-bas, il parlait aux gens, il disait que ainsi parle le Seigneur. Ça ne peut pas le laisser tranquille. Ainsi, dans la cour, il disait ainsi parle l'Éternel. Nebuchadnezzar vient de détruire ses vies, il se retrouve dans ça. Ça a circulé encore, tombé dans la réserve de loi. Vous avez vu Jérémie, non? Ton Jérémie, que tu as sorti de la prison, a découragé le peuple. Le reste qu'il devait faire, c'est il dit toujours avec sa doctrine là qu'on va venir détruire le peuple. On a encore prévenu vers le roi. Cran avec les chaînes maintenant. Il a enchaîné à l'intérieur et à l'extérieur. C'est lui dit que qu'est-ce qu'il va pas dire? Ainsi parle l'Éternel. Nebuchadnezzar va venir détruire la vie. Dieu dirigeant toutes choses. Il ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous comprenez? Chacune des choses de Jérémie. Jérémie a quand même dit que s'il vous plaît, ne me mettez plus là, la cité là, je vais mourir. Lisez Jérémie. Il a dit Jérémie que pardon, si vous mettez encore là-bas, je vais mourir. Mais comment il va faire? Dieu a dit que je serai avec ta bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche, je vais parler. Il ne peut pas faire autrement. Et il dit ici donc dans ce Jérémie chapitre 10, verset 23, il dit je le sais, ô Éternel. Que le pas de l'homme, ce n'est pas entre ses mains. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche à diriger, c'est pas. Donc quand tu fais comme ça, tiens, c'est Dieu qui dirige. Comme ça, c'est Dieu qui dirige. Comme ça, c'est Dieu qui dirige. Comme ça, c'est Dieu qui dirige. Voilà comment Dieu veut diriger les gens. Voilà comment Dieu veut diriger les gens. Voilà pourquoi dans ce psaume 32, le verset 8, lorsqu'il parle des bergers avec les brebis, il dit que je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ne soyez pas comme les brebis, les chevaux qu'on les place de mort pour les conduire, d'accord? Vous cessez, n'est-ce pas? Dans ce psaume 25, verset 2, il dit que l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Souvenez-vous, la voie qu'il montre aux pécheurs. Tout va bien là-bas. Continue. Jérémie chapitre 18, cette fois-ci. J'espère que toi et moi, nous sommes en train de découvrir des choses, n'est-ce pas, frères et sœurs? Notez aussi Genèse 50. On y va. Genèse 50, verset 1 à 17. Notez seulement. J'ai dit, au cas où on ne lit pas, d'accord? Au cas où on ne lit pas, comme ça vous allez méditer. Notez Luc chapitre 1. Notez Luc chapitre 1. Vous avez noté tout à l'heure Malachie chapitre 3, verset 13 à 18, n'est-ce pas? Malachie chapitre 3, verset 13 à 18. 13 à 18, notez 13 à 18. Vous avez noté Genèse chapitre 50, n'est-ce pas? Verset 1 à 17, oui. Notez Joël. Luc chapitre 1, totalement. De l'histoire de Luc, là, je pourrais dire ça rapidement pour que tout à l'heure, je sens de regarder lequel phare on va toucher. Joël chapitre 3, verset 1 à 3. Joël chapitre 3, verset 1 à 3. Vous y êtes? Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 24 à 28. Ésaïe 46 aussi, verset 10 et suivant. Ésaïe 46, verset 10 à suivant. Ésaïe 44, verset 24 à 28. Vous avez noté Joël chapitre 3, verset 1 à 3. Actes chapitre 16, verset 1 à 10. Les passages qui sont là-bas, je vais raconter l'histoire. Quand il raconte ça vient dans un chapitre, il vient de vous dire que c'est dans un chapitre, ça se trouve, d'accord? Actes chapitre 16, verset 1 à 10. Ecclésiaste. Chapitre 8, verset 14. Ecclésiaste chapitre 8, verset 14. Vous y êtes? Chapitre 9, verset 11. Proverbe chapitre 20, verset 24. Proverbe chapitre 20, verset 24. Proverbe chapitre 19. L'enfant qui dort là risque de tomber. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Vous y êtes, frère? Donc, je vous ai donné Genèse chapitre 50, verset 1 à 10. Actes chapitre 16, verset. Non, chapitre 50 de Genèse, verset 1 à 17. Actes 16, 1 à 10. C'est ça, n'est-ce pas? Proverbe 20, verset 24. C'est ça, n'est-ce pas? Ecclésiaste chapitre 8, verset 14. Et chapitre 9, verset 11. C'est ça? Maintenant, j'ai dit qu'on ouvre Jérémie chapitre 18. Lisons les versets 11 et 12. Regardons. Je vous ai donné Ésaïe 44, n'est-ce pas? Verset 24 à 28 et 46. C'est ça, non? 46. Maintenant, lisons Jérémie chapitre 18, verset 11 et 12. Regardez. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, quand nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de nos mauvais cœurs. Donc, Dieu désire pleinement que l'être humain sache que, souvenez-vous de ce qu'on vient de lire au chapitre 10, verset 23, que ce n'est pas à l'homme à diriger, ce n'est pas lorsqu'il marche. Ce que Jérémie a dit, il dit, il sait ça. Il sait que l'être humain, normalement, ne doit pas faire un pas sans la grâce de Dieu. Deux pas, sans, il ne doit pas le faire. Alors, vous entendez donc, effectivement, pourquoi Jacques dit qu'on ne doit pas faire des projets en disant que je vais le faire comme ça, je vais le faire comme ça, je vais réussir, sans dire si Dieu le veut. À l'instant, tu dis comme ça, c'est les penchants mauvais de cœur. C'est mauvais, c'est orgueilleux, c'est l'orgueil. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. Donc, chaque personne qui craint Dieu doit marcher sous dans la grâce. On doit marcher dans la grâce. Chaque pas. Il n'y a pas de pas sans le Seigneur Jésus. Pas de pas sans le Seigneur Jésus. Donc il dit ici que je me dis un projet contre vous. Je dis que marchez pas comme ça. Vous dites, nous avons des projets, mais nous allons marcher seulement le projet de notre mauvais cœur. Donc l'être humain, par nature, veut être indépendant. Ne veut pas se soumettre à la façon de Dieu de marcher. Parce qu'en réalité, humainement parlant, la façon de Dieu de marcher est lente. Humainement parlant, la façon de Dieu de marcher est lente. Par exemple, tu voudras que lorsque tu sors d'école, après ta formation, tu as la capacité de travailler, non? Tu voudras que lorsque tu sors, tu travailles. Dieu t'impose 8 ans de chômage. Qu'est-ce que vous en dites? Tu déposes tes dossiers, tu viens voir même tes amis avec que tu as fréquenté, qui n'étaient rien en classe, qui dépassent là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Et c'est l'Éternel qui t'impose cela. Parce que son plan pour toi, c'est ça. Même si tu pas bois l'huile d'onction, tu verses, tu plonges tes dossiers dans les huiles. Tu sors là, tu dis que je suis la tête et non la queue. Tu seras la queue parce qu'il a décidé. Parce qu'il faut que tu traverses par là. Si tu veux, fais comme Asa, avance. Souvenez-vous, même si vous vous trompez, vous allez dans le mot, vous marchez comme ça avec le gros dos. Quand tu m'as fini, il va dire tu es fini, il dit oui, retourne à la souffrance. C'est là que tu vas continuer. On avance. Et la Bible déclare dans ces proverbes, dans cet Hébreux chapitre 12, reprenant proverbe, que ce n'est pas comme des ennemis que Dieu nous châtie, il nous châtie comme des fils, afin que nous participions à ses saintetés. Donc malgré les souffrances que Dieu nous impose dans notre vie, ce n'est pas pour notre mauvais. C'est parce qu'il y a des caractères, des choses en nous qui veut que nous intégrons, il veut que nous enlevions, il veut que nous assimilons certaines choses. Donc c'est la souffrance pour l'éducation, pour l'instruction. Vous y êtes, mes frères? Prenons cet Ecclésiaste chapitre 8, verset 14, puis lisons le chapitre 9, verset 11. On y va. Je vous ai donné ces deux passages-là. On va lire aussi les deux livres des Proverbes, chapitre 20, verset 24 et chapitre 19, verset 21, là, puisque c'est proche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous voyons la direction de Dieu dans nos vies. Donc, Ecclésiaste, donc gardez le doigt, mettez le doigt dans le Proverbe, on va y finir, on va y retourner. J'ai dit ces choses, comme ce n'est pas compris, c'est pour ça que beaucoup de personnes, il y a des enseignements qu'on enseigne aux gens que les chrétiens ne doivent pas souffrir. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu souffre. Et on ne comprend pas justement que l'école, la meilleure du Seigneur, c'est l'école de la souffrance. Ecclésiaste chapitre 8, verset 14, qu'est-ce que ça dit? Écoutez très bien. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. Ce qu'il y a des justes auxquels il arrive seront l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive seront l'œuvre des justes. J'ai dit que c'est encore là une. Salomon est resté comme ça, lui-même a dit que mince, quelque chose ne me dépasse sur la terre ici. Il dit tu vois un juste, ce qui devrait arriver au méchant, c'est ça qui lui arrive. Tu vois un méchant, ce qui devrait lui arriver, c'est plutôt au juste que ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que voici quelqu'un qui est juste, normalement, c'est lui qui doit vivre bien tranquille. Toutes les souffrances, les calamités, c'est lui. Tu vois le méchant, si il ne souffle lui rien. Salomon dit que ça, ce n'est pas la vanité, ça, que c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Chapitre 9, verset 11, puisque nous y sommes. Vous avez noté ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Regardez. On y va. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Vous y êtes? Ah, non, laissez-moi, pardon. Pardon, les gens me trouvent. Je suis dans le proverbe là. Je suis allé dans le proverbe. Vous étiez perdu, pas vrai? Vous étiez perdu. Directement. Vous avez dit que. J'étais dans le proverbe chapitre 8 parce que j'avais déjà préparé le proverbe. Chapitre 11. J'ai encore vu sous le soleil. Ça, c'est l'un des passages de la Bible que j'aime beaucoup ici. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Que, comme tu es rapide, tu t'entraînes trop comme Marc et Fleuve là. C'est pas pour cela que tu gagnes les courses. Regardez. Ni la guerre aux vaillants, que ce n'est pas parce que tu es trop fort que tu peux gagner la guerre. Ni le pain aux sages, donc ce n'est pas parce que tu es trop sage que tu peux avoir de mon outil à manger. Ni la richesse aux intelligents. Donc ne crois pas comme tu as trop fréquenté, ça montre que tu seras riche. Ni la faveur aux savants. Après, dit car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et vous voyez dans Daniel chapitre 2, verset 20 à 22, que c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. En réalité, ça dit que pour les uns et les autres, Dieu a chaque plan et Dieu a les regards là-dessus. Dieu conduisant toutes choses. D'accord, frère? Allons dans le proverbe donc. Proverbe chapitre 20. Il dit tout le proverbe chapitre 20, verset 24, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'au sortir d'ici, nous allons pour murmurer avec les choses qui nous arrivent. Souvenez-vous, même si vous êtes né dans le même ventre, vous êtes collé avant qu'on vous décolle. C'est-à-dire que vous êtes sorti du ventre, vos ventres se coupaient. C'est coincé. Vous êtes sorti du ventre, vos têtes c'est coincé comme les siamois. Vous avez deux destinées. Chaque personne a son paquet de souffrances, ses paquets de réussites, ses paquets d'angoisse, ses paquets de frustrations, ses paquets de bontés. Et il y a des gens qui vont aller sur cette terre-ci, rentrer sans jamais voir le bonheur. D'autres que si tu lui donnes, il est pauvre. Si tu lui donnes l'argent, c'est ça qui va le tuer. Donc il voit l'argent comme ça, il tombe évanoui. Est-ce que c'est ses frères? Parce que par définition, il est fait pour être pauvre. Parce que Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous. Vous entendez quelqu'un dire que non, éradiquons la pauvreté sur la terre. Donc ça, c'est lutter contre Dieu. Donc faisons tout pour qu'il n'y ait plus de pauvres sur la terre. Ce n'est pas possible. Sur cette terre-ci, tant que Jésus n'est pas venu régner, il y aura toujours des pauvres. Afin que Dieu puisse juger les riches. On y va. Chapitre 20. J'ai dit tout à l'heure, chapitre 20, verset 24, puis le chapitre 19, verset 21. Donc, je commence au chapitre 20, verset 24 et regardons. L'Éternel, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Je pose la question. Posons-nous la question. Est-ce que vous comprenez que tout ce que vous avez traversé, c'est l'Éternel qui vous a fait traverser? Il dit, ah, si j'ai encore fermé ces choses-là. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est quoi un pas, frère? Ça veut dire que tu fais l'écart entre le pied gauche et le pied droit. C'est ça un pas. Le prochain pas que tu le fais, il dit que c'est celui qui dirige. Donc, pourquoi tu portes ton pied d'ici à là? C'est Dieu qui a fait, frère. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais après, il pose la question, mais est-ce que vous comprenez même que c'est lui qui est derrière? Et tout à l'heure, à l'entrée de cet enseignement, si nous avons lu le livre de 1 Samuel chapitre 9, nous avons vu comment il a dirigé les pas des ânes pour qu'il ne puisse s'égarer. Il a dirigé les pas de Saül, dirigé les pas de son serviteur, dirigé les pas de ses filles-là, dirigé les pas de l'eau qui a manqué à la maison, dirigé toutes choses. Vous saisissez mes frères et sœurs. Chapitre 19, verset 21. On y va. Regardez ce qui est écrit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, elle est projet d'aller en France. Elle est projet d'aller en Amérique. Si elle a dit que ta part va finir en Dôme, ou bien que tu vas aller à Fianarantsoa, à Madagascar, ou bien à Ziguinchor, tu vas aller seulement à Ziguinchor. S'il est fait pour que tu partes à Bujumbura, tu vas seulement aller là-bas. Tu montes, tu descends. Oh, en Somalie. Vous savez, moi, pourquoi tu pointes le doigt sur moi, frère? Ouais, je prends les doigts sur moi. Si quelqu'un a décidé, vous savez, aujourd'hui, le grand ministère, c'est que j'ai un partenaire aux États-Unis. Vous savez, quand les prédicateurs prêchent, c'est que leur référence, c'est les États-Unis. La source de toutes les impuretés de la terre ici. Ne m'envoie pas aux États-Unis parce que je ne pas dans le plan de Dieu. Souvenez-vous de ce qu'on a dit ici la dernière fois par rapport aux gens qui sont aux États-Unis. Souvenez-vous. Souvenez-vous de cette signe-là. Que si Obama va à l'hôpital, ce qui arrive. Souvenez-vous de cela. Donc, la Bible déclare ici que. Il y a dans le cœur, pas que l'homme conçoit, qu'il y a dans le cœur, quoi? Beaucoup de projets. Dieu seul sait combien de projets tu as déjà eu. Il y a des gens ici qui ont élevé les poules. Ça n'a pas donné. Ils ont cultivé le champ. Ça n'a pas donné. Ils ont vendu la cigarette. Moi, j'ai vendu la cigarette. Vendu le mambo. J'ai fait la cordonnerie, joué à la guitare, chanté avec les musiciens. Vous savez ça? Mais voici, maintenant, les prêcher. Le meilleur métier au monde. Amen. Amen. C'est fait la connerie. Il pouvait prendre ça, prendre l'argent, t'es donné. Ici, il n'y a pas l'argent, il y a la vie. C'est frère. Il y a l'argent. Et de cette façon-là, quand vous faites quand les pasteurs font pour anarquer les gens. Parce que le Seigneur a dit que. Le Seigneur a dit que s'il connaît ce qui est ici dedans, la joie que ça procure, c'est plus que l'argent et l'or. Vous pensez que. Là, quelqu'un. Lui, vous avez l'argent, là où tu es là. Tu as 1 million, tu rentres à la maison, le jour là tu vas veiller. Quelqu'un fait, tu entends une souris, passe, crac, tu guettes d'abord là où il y a l'argent. Tu vas dormir, tu ne peux pas dormir parce que si quelqu'un toque, tu vas d'abord ouvrir la porte comme ça. Alors que normalement, quand tu n'as pas l'argent, si quelqu'un toque, tu ouvres la porte, que c'est ouvert. Que Anne, l'argent commence à t'imposer le rythme de vie. L'argent commence à t'imposer le rythme de vie. Moi, quand j'ai prêché l'évangile, qu'on agresse les gens, qu'on n'agresse pas les gens, qu'on fait un peu comment, je n'avais pas peur parce que je marchais dans la vie comme un perdu. J'habitais là-bas à Bakapé Mesoké. On traversait, il partait à Ange, j'avais prêché la bonne nouvelle. On avait dit qu'un jour, on avait agressé une femme. On a coupé la main là-bas au stade. On a fait ça derrière moi. Je passe à une, j'ai ma Bible, je marchais avec le même pantalon-ci. J'avais la barbe comme ça. Je passe, je vois, ils sont dans les airs comme ça. Que oh, je me tourne, il dit que mon ami, tu allais prier aujourd'hui. Il dit que grand frère, aujourd'hui, je ne suis pas allé à l'église. J'ai continué sur mon chemin. Il sait que celui-ci, c'est un pauvre souris. Donc, les gens des messes n'ont pas de l'argent. C'est ce qui peut donner, c'est l'évangile. Un jour, un bandit nous a agressé à quoi avec mon épouse. On était à quoi comme ça, en plein à quoi. On est resté devant là, tous à côté de la bambi, c'est qui est là-bas. Ils sont sortis à deux. À l'instant, j'ai vu, ils sont dit qu'ils vont vous agresser. Et si j'avais, mon épouse était enceinte de cet enfant-ci. Vous savez, les réflexes de karaté. J'avais mon parapluie comme ça avec mon jean bien serré. C'est la question qu'il pouvait faire comme ça, tant me tourne, je frappe n'importe comment. Mais tu fais comme ça, pap, j'entends prédicateur. Prédicateur. Vous savez, En un clin d'œil, tu mesures le prix. Quand il est en train d'avancer, j'ai vu exactement comment il pouvait frapper. J'ai mesuré le prix, mesuré ma femme qui était enceinte, mesuré tout le prix en quelques secondes avant qu'il ne fasse trois pas pour venir. Parce qu'il pouvait créer l'embouteillage là-bas, parce que les voitures passaient. Il pouvait faire pas on va, les voitures étaient obligées de freiner. L'autre, ils étaient deux. L'autre avait un long couteau. Ils avaient bien aimé celui-ci. Si il avait mis ça comme ça, j'ai vu. Celui qui était calme devant comme ça était là. L'autre était pieds nus. Il est venu vers moi. Il fouille. J'avais mon petit téléphone que j'avais mis le papier là. Vous savez déjà le téléphone, quand vous bougez, la puce ne parle plus. J'avais ça dans ma poche avec mes 100 francs sur moi. En sortant de la maison, ma femme avait un téléphone. Le premier cadeau que j'ai offert à ma femme, elle avait ça comme ça. Comment tu le camarades comme ça? Avec, elle a mis ça, elle a mis dans le sac. J'ai dit non, mets ça dans ton cou. Elle a mis ça dans ton cou. Elle a mis comme ça ici. Elle avait son petit sac ici avec la Bible, sa Bible dedans. Le garçon vient, il fouille mes poches, il fouille. Je le regarde comme ça là. J'ai pitié. Le regarde comme ça, j'ai pitié. J'ai regardé comment il peut faire. Il dit, s'il n'était pas prédicateur, les deux l'amouraient. S'il n'était pas prédicateur, les deux l'amouraient. J'ai tapé ma femme, pam, elle est tombée. J'ai frappé, et c'est pam, pam, comme ça là. Avant de voir que le couteau là, j'ai utilisé contre eux. Il dit, en temps normal, c'était moi. Mais Jésus-Christ m'a enchaîné. Est-ce que vous saisissez? Il dit, en temps normal, avec le couteau, il ne s'en sort pas, même les deux. Je paralyse une personne. C'est-à-dire que si on vient trouver mon corps, je suis avec quelqu'un. Il l'a regardé comme ça. Il a fouillé ma poche. Il dit, tu as seulement 100 francs. Il dit, grand frère, ce n'est que ce que j'ai. Je vais encore avoir comment. Il a tendu la main dans la poche. Oh, dans la poche de ma femme, il y avait des téléphones. Il y avait de l'argent, effectivement. Qu'est-ce qu'elle a empêché d'enlever la porte, le porte-monnaie et fuit. Il reste debout. Le tasseur est passé. Oh, regarde. Le tasseur regarde. Il regarde. Il s'arrête devant. Il voit qu'on a dû nous agresser. Il s'arrête. Il regarde. Il tend la main. Il a tendu la main comme ça. Là. Il a sorti. C'est la Bible de ma femme. Il est sorti. Il dit, hey, l'autre qui était avec la Bible, là, il dit que, non, il sort de l'église. Il sort du pasteur. Laisse-moi partir. Il dit, boum, laisse-les. Boum, laisse-les. La Bible. La Bible les a effrayés. La Bible. Il est parti avec mes 100 francs. Alléluia. Amen. Après, je suis à la maison, je dis que waouh, Seigneur. Le passage des Psaumes 74, verset 20 venait chaque fois dans mon esprit. Les sommes du pays sont pleins de repères d'imbrigants. C'est parce qu'il n'y a pas l'évangile. Donc, d'une part, je suis coupable. Comme il n'a pas l'évangile, il peut faire cela. Il peut continuer à voler. Vous comprenez ça, frère? Donc, des choses nous arrivent. Il dit ici que, chapitre 19, verset 21 du Proverbe, il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Qui ici a beaucoup de projets dans son cœur? Qui ici a beaucoup de projets? Projets de construction, de mariage, de voyage, de réussite. Hein, frère Ferrand? Tu n'as pas de projet dans ton cœur? C'est que ton cœur est congelé. Comment? En fait, vous ne pouvez pas faire mentir Dieu. Parce qu'il a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc, si tu as un cœur, il y a des projets dedans. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, la bonne nouvelle, qui peut ne pas te réjouir, c'est que dans ces projets-là, ce n'est que le projet de Dieu qui va s'accomplir. Donc, si tu décides n'importe quel projet, tu fais n'importe quoi. Si ce n'est pas Dieu, tu perds seulement ton temps. Alors, le style de projet, je ne voulais pas glisser dedans, mais je vais aller un instant y ressortir. Le style de projet de Dieu qui est pour toi, c'est ce que tu vas faire venant de ton cœur et qui va être une joie inexprimable pour toi. À ce temps-là, tu sais que tu en as fait le projet que Dieu est venu. Que c'est ce que Dieu a fait. Quand tu vois quelqu'un vendre le savon aujourd'hui, demain il est avec le camfa. Demain il vend plutôt le arata, arata, arata, arata, arata. Il y a quelque chose qui ne va pas. Inconstant. Vous allez aller quelque part, vous voyez un maman qui vend son beignet. Vous vous moquez d'elle, vous dites que le maman se vend le beignet depuis 20 ans. Le plat, c'est qu'elle sait, c'est depuis 20 ans qu'elle était petite, elle se fait le plat. Que mamie Héro, mamie Mouin, Mouin, mamie Mani, elle vend le beignet, elle envoie ses enfants à l'école avec cela. Elle est constante, elle connaît exactement c'est pourquoi elle est venue sur la terre faire le beignet. Elle a envie de faire, elle réussit. Mais vous voyez quelqu'un fait quelque chose, pas, pardon, quelqu'un sort son corps aussi, mais comme ça, il est seul. Cinq corbeaux viennent dire que mince, les gens s'attendaient seulement que je joue mon corbeau aussi. Il fait plus alors le corbeau. C'est comme ça que tu ne dois rien faire sur la terre. C'est comme ça que tu ne dois rien faire sur la terre. Si tu es censé faire le corbeau, fais le corbeau. Si le client vient là-bas, ne sais pas le faire, le client, laisse tranquille. Les clients qui sont destinés pour toi, si tu fais le corbeau, selon Dieu, le nombre de clients qui sont destinés pour toi sont déjà prévus. C'est ça qu'on a envie de voir depuis ce soir-ci. Alors, dans chacune des choses que tu vas faire, il doit y avoir des difficultés. Et les difficultés sont faites pour te fortifier dans cette entreprise. D'accord, bien-aimé. On peut avancer. Je vous ai donné tout à l'heure là, Ésaïe chapitre 44, le verset 24 à 28 et 46, verset 10 et suivant. Vous êtes fatigué, j'arrête là, ici. J'arrête ici. Maintenant, je vais citer Luc chapitre 1. Je vous donne quelques suggestions des choses qui se trouvent là-bas dans ce Luc-là. Dans Luc chapitre 1, il y a un homme qu'on appelle Siméon. La Bible déclare qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Vous vous souvenez? Et la Bible déclare que lorsque Marie a amené l'enfant pour le présenter avec, pour donner ce que l'héritier de Moïse préconisait, il fut conduit par le Saint-Esprit vers le temple. Il se dirigeait. Donc, les pas étaient conduits par le Saint-Esprit. Pendant qu'on présentait les gens, il marchait. Lorsqu'il a vu l'enfant, il a porté. Il dit, ah, Seigneur, je suis blessé. Ton serviteur allait tranquille. Quelqu'un dit, Dieu conduisant toutes choses. Est-ce que vous savez? Donc, un de ces jours, il y a un homme là-bas qu'on appelle Zacharie, dans ce même Luc, chapitre 1. Sa femme était stérile. Mais là, il déclare au verset 1 du chapitre 5, du chapitre 1, chapitre 1, verset 5, qu'il était irréprochable devant le Seigneur et observait toutes les lois du Seigneur, tous les commandements. Mais sa femme était stérile. Ils étaient avancés en âge. Un de ces jours, pendant qu'il servait, quand c'était son tour pour être là à son temps, il fallait qu'il soit là pour que l'ange puisse venir lui parler. Il s'est tenu là-bas à l'hôtel. L'ange s'est tenu là-bas et dit que Zacharie, il a dit, hein, quoi? Tes prières ont été exaucées. À quel moment il a prié? Hein, frère? Il a prié dans sa jeunesse. Quand elle a marié Elisabeth, l'enfant n'est pas entré. Il a prié de sa part, sa part est venue. Prier avancé. Si c'était chez les Bamilicains, on devait dire que prends une autre femme, dis donc. Prends une autre femme, ton succès, tu vois, comme c'est bon ça. Quelqu'un dit à ton voisin que le mariage, c'est pas pour l'enfant. Alors, il a tenu bon jusqu'à l'âge avancé. À l'âge avancé, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, Dieu est venu alors. Lui dit que ta prière là a été exaucée. Dieu faisant toutes choses. Il fallait que ce moment-là soit là parce que le temps de Dieu par rapport à la venue du Messie n'était pas encore proche. Il avait choisi dans son plan que cet homme, si épousait cette femme, si je le rendrais stérile, il va avancer en âge. À telle période, quand le Messie viendrait, il viendra préparer le chemin. Parce que de toute façon, il n'a pas sorti du ciel. Il faut qu'il naisse une femme. Quelqu'un dit, lorsque les temps ont été accomplis. Donc, c'est le temps selon Dieu, ce n'est pas notre temps. C'est pour ça qu'il dit que si nous suivons le fonctionnement de Dieu, ça ne marche pas avec nous. Parce que nous souhaiterons que quand on sort de l'école, on trouve du travail. Nous souhaiterons qu'on prie comme ça là, que les malades soient guéris. Nous souhaiterons ça. C'est pour ça que vous avez vu Frère Achille commence à faire la démence comme ça. Que je souhaiterais qu'au milieu de l'assemblée, je prie comme ça, les gens guérissent. Jésus, dans Jean chapitre 5, la Bible déclare qu'il a marché au milieu de l'assemblée. Déjà, il était là en grand nombre. La puissance de guérison, c'était le guérisseur en personne. Il a traversé au milieu des gens. Quelqu'un fait aïe, aïe, il fait comme ça. Il avance. Il avance avec l'autre. La Bible déclare, sachant qu'il était malade depuis 38 ans, il dit veux-tu être guéri. Il a discuté avec lui. Il dit lève-toi, prends ton lit, marche. Alors que le gars, il passe encore au milieu des gens. Pendant que quelqu'un dit pousse-toi là-bas, dis-donc. Vous savez, la Bible déclare que c'était dans l'eau. Tumbo. Le guérisseur, celui qui envoie les anges, est au milieu de l'eau, il pousse comme ça. Tumbo. Waouh! On a sauté. On attend encore. Jésus est passé au milieu des malades. Il est parti. Mais ça fait pas que ceux-ci souffraient. Il y a les malades selon le Seigneur. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a les malades selon. De la même façon, dans ce pays, il y a des gens qui sont prévus mourir et Dieu les ressuscite pour sa gloire. Dans ce pays, avec ce qui va arriver. Il y a des gens qui sont malades depuis. Ce n'est que la puissante visitation de Dieu qui va arriver dans le pays qui va les résister. Pourquoi? Parce que, remarquez, si vous lisez Esaïe 35, on dit quand Jésus devait venir, il devait avoir la guérison, les boiteux devaient marcher, les aveugles devaient voir. Pour qu'il vienne, il faut qu'il les aveugle. Et donc, il faut qu'il y ait une situation pour que quelqu'un soit aveugle. Il faut qu'il y ait une situation pour que quelqu'un soit paralysé, pour qu'il vienne réparer. Alors maintenant, si il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom, chasseront les démons, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prévus que les démons entrent dans leur corps. Pourquoi on veut les chasser? Pour que son nom soit glorifié. Donc dans ces pays, ce qui va arriver, il y a des gens qui vont mourir, on va les ressusciter pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il va, mais de toute façon, quand on va les ressusciter, ils vont nous dire là où ils étaient, pas vrai frère? Ils vont nous raconter leur part d'expérience. Il y a des gens qui vont être malades, aller à l'extrême. Donc, peut-être ta maladie, souvenez-vous pour celui que j'ai raconté dans Jean chapitre 5 là, ça passe des 38 ans. On ne sait pas jusqu'à quand le réveil va arriver. Mais si c'est 50 ans, peut-être ta maladie est là, maintenant ça en train de monter seulement jusqu'à 50 ans. Ne perds pas espoir. C'est qu'on n'aime pas dire Amen, c'est déjà des choses comme ça. Amen. Non, vous dites Amen maintenant. Parce que Dieu fait toutes choses selon sa chronologie, selon son programme. Et ça, c'est ça que l'être humain ne veut pas comprendre parce qu'on est entré dans un siècle de vitesse où il y a les fast food. Quelqu'un travaille, on est tellement pressé, il faut qu'on mette un bouquet, on fait vous, ça fait chouan, ça sort. Plus tard, la personne qui a créé ça dit qu'il y a les radiations, ça produit le cancer. Il faut maintenant qu'on invente maintenant les gens que si moi ça te donne la maladie, il faut prendre ses comprimés. Après la personne des comprimés se dit qu'il y a les effets secondaires. Quand ça te prend, il faut prendre ceci pour laver le rein. Tu viens de prendre maintenant, on dit à un rénal, il faut aller récupérer celui-ci pour prendre les reins. Donc nous-mêmes, nous créons des problèmes avec nos propres solutions. Parce qu'on n'a pas compris que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche diriger ses pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc vous lisez dans ces joints chapitre 3, vous allez remarquer que Dieu dit qu'il a de préparer une festivité sur la montagne, c'est dans la vallée de Josaphat. Il va amener les peuples là-bas, ils vont pouvoir attaquer Jérusalem, il va les frapper là-bas pour, à cause de Jérusalem qu'ils ont divisé. Donc il a prévu, le moment va arriver, comme ils ont dit Jérusalem, Gaza, Ouest, Gaza, Jérusalem, Est là, ils vont rendre compte là-bas. Dieu a prévu toutes ces choses. Et dans Esaïe, il dit que nous ne savons pas que je préparais ces choses-là depuis longtemps. Il parle de Cyrus, que j'ai dit à Cyrus, il va exaucer toute ma volonté. Voilà ça, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu faisant toutes choses sur la terre. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse.